Cet épisode du podcast de Papa Cassette est une présentation de Lagerbrau, bière adéquate. Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous, chers amis. Bienvenue à l'épisode 141 de chez Papa Cassette. Salut, JF. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Yes. On est tous pompeux, là. Yeah! Hey, ouais. Mais en fait, avant le show, on est comme... On est tous morts. Moi, je suis en vacances, puis je suis mort plus que d'habitude. Ben oui, les glissades d'eau. Les glissades d'eau, la ronde, let's go. Un petit kid de 4 ans et demi qui court partout, puis qui veut pas aller aux toilettes quand c'est dans aux toilettes, là. En plus, t'es pas monoparental, ouais. Fait que c'est toi qui traînes le lunch, y en a pas beaucoup, le pactage. Ben, j'ai tout le temps mon lunch à moi, mais j'ai traîné le lunch de la famille en plus, là. Qui est aussi le lunch de la famille, bizarrement. Non, mais pas beaucoup de pères tout seul avec des enfants au zoo puis à la ronde. C'est beaucoup des familles, j'ai vu. Ben, absolument. Ou des gangs de parents ensemble. J'étais comme, OK, let's go, on y va, là. On le fait, là. Non, tu fais bien, puis là, c'est rushant, mais ça va être des beaux souvenirs, et puis qui sait, c'est peut-être comme ça que tu vas rencontrer une concubine. Ils vont dire, peut-être. C'est ça, cet homme bionique. Ce gars-là avec le dos tout brûlé, avec pas de crème solaire dans le dos. Qui se tape tout ça. Eh ouais. Fait que bonjour à des nouveaux gens dans le chat. It's me, Jimmy, first time qui est là. Subscribe avec Prime en plus. Alors, on te salue. Merci beaucoup. Il y en avait d'autres. Hein? It's me, Jimmy. Ouais, Jesse Stark. Jesse Stark, qui est first time chat aussi, qui est là, qui nous demande si on va avoir assez de NES Championship chez Retro MTL. D'ailleurs, je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit la dernière fois, mais là, on a eu nos quantité de confirmé. Je pense que tu savais pas, en fait, combien t'allais en avoir. Tu pourrais en avoir 5 ou 500, t'étais exact. Pas sûr. T'sais. Exact. Mais on en a eu 40. Fait que là, déjà, il y en a une douzaine de vendus. Nous autres, à l'interne, on va s'en garder un peu ici et là. Puis on en voudrait quelques-uns en vente libre. Donc, ça va aller vite. Et puis, je suggère à ceux qui en veulent de le précommander sur le site de Retro MTL. Ça va être un très bel item de collection. Ça, il n'y aura pas d'autres prints. C'est vrai de vrai. Bon, bien sûr, ils vont en imprimer des millions. Ouais. Des millions, mais ils en feront plus. Fait que ça va faire comme Mario 3D All-Stars ou Mario All-Stars sur Wii. C'est des affaires qui vont prendre un peu de valeur, mais qui vont pas virer fou non plus. Mais ça demeure un très bel item de collection. Alors, voyez, checkez ça. Sautez là-dessus. Bonsoir, Darest. Et puis, Retro Gamers Fan qui est là. Zombie Melter avec son classic raiding Party of One. Jim Gendron. It's me, Jimmy. Au diable les dépenses, il vient de faire une commande. On va aller voir ça. Il y a pas plus live service que ça, là. Exact. Le gars dans le chat fait une commande, on le check live. Ouais, c'est beau, tu l'as reçu ta commande. Ça s'en va tantôt, on va l'emballer avant de partir. Salut Félix, bonsoir à toi. Alors, oui, c'est ça. Elle va être pas pactée à soir, par contre. Félix, alors, qui doit probablement être né le 23 septembre 85. Ça se peut, hein. Moi, je suis pro pour décoder les chiffres comme ça. T'es bon, hein? C'est vrai, t'es un hacker. Alors, c'est qui? It's me, Jimmy. Jimmy Parent, ici. Alors, je vais pas dire à tout le monde qu'est-ce qu'il a l'adresse, acheté. L'adresse, le numéro de téléphone. T'as acheté cet objet très cool. Bravo. C'est la première fois que je voyais ça en magasin. Et puis... Même moi, je sais pas c'est quoi. Je peux-tu le dire, Jimmy, ce que t'as commandé aux gens? C'est pas 2000$, là, c'est pas compromettant. Là. Pendant qu'on entend sa réponse, je vais aller raiding encore. Je vais aller chercher une bière, moi. Oui, c'est vrai. Je vais prendre une bière. Là aussi, on remercie les commanditaires. OK, Jimmy, c'est bon, je vais le dire. On remercie le marché Bonichouan, le neveu de La Verlechère, pour nous avoir envoyé des chips à la soirée du podcast. Et aussi, il nous a envoyé une boîte de petites vaches. Ah, c'est lui qui a envoyé ça. Ben oui, c'était pas une joke. Il avait mis ça dans la boîte. Fait que là, JF va procéder à l'installation. Tu sais-tu comment faire? J'en ai une chez vous. OK. Fait que JF va procéder à l'installation de la petite vache pour essayer de débaconner, déboucaner les bières un peu là-dedans. C'est très drôle. Alors, merci. C'est fait. C'est installé, mesdames et messieurs. C'est malade. Merci au marché Bonichois. Je vais prendre une jaune orange dessus. D'ailleurs, M. Gawette, des bières Lagerbrau, communiquez avec moi suite aux commentaires qu'on a eu au dernier épisode où est-ce que JF s'est complètement splashé les tibias avec la bière. Ils l'ont gazé un petit peu plus, alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, je répète, JF, quand tu vas ouvrir ça, On se met tout de suite la bouche après, ben puis ouais. On siphonne la broue, puis il n'y aura pas d'accident. Même sur ceux-là, toutes les... OK. Prends pas de chance. Fait que tu peux y aller en premier, puis je vais continuer les affaires. Alors, voilà, merci. Comme je disais... Oh! Ah ben, ça a l'air d'avoir bien été. Je pense que ça en est tout peut-être... ça pour ça. Ça en est peut-être une vieille. Ça va être à mon tour de rusher. Alors, merci à nos commanditaires, en effet. Félix, qui nous dit où sont les cadres rétro nouveaux. Oh. Mais ça, c'était chez moi, en fait. Ça fait plusieurs années. C'était en 2019 qu'on avait les cadres en arrière, là. Exactement. Après ça, il y a eu tout le beau mur noir ici, là. Mais ouais, les avec cadres les sont mousses. Un petit peu partout, là, ici. Là, dans... Ils sont dans le sous-sol, ici, chez Retro MTL, en fait. Là, sur le mur là-bas. Ouais, là, il y en a, oui. Il s'en est posé un peu partout à l'étage aussi. Alors voilà. Alors là, Jimmy, en début de show, bonsoir Blastman. Jimmy, en début de show, qui a dit j'ai envie de faire une commande, j'ai retrouvé MTL. Alors, il a passé une commande, mesdames et messieurs, pour un grand total. C'est la 20e commande que Jimmy passe chez Retro MTL, un très bon client. Il a profité de notre promotion expédition gratuite parce qu'il habite il habite loin, au Nouveau-Brunswick, mesdames et messieurs. Alors, tu seras heureux d'apprendre que tu sauves beaucoup d'argent avec le shipping parce que ça coûte cher au Nouveau-Brunswick. Et je t'apprends qu'on perd de l'argent en te shippant au Nouveau-Brunswick, c'est sûr et certain, mais ça nous fait grand plaisir. Alors, Donkey Kong Country 3, Donkey Kong Country 2, et aussi, c'est acheté le Donkey Kong Country Development Reporting VHS en français. Donc, c'est un VHS qui parle du développement de Donkey Kong Country. Ouais, mais Reporting Development, c'est, ben, comme, c'est des rapports de développement. Ben, c'est intéressant, ça. Ils doivent expliquer comment est-ce qu'ils ont créé ce jeu-là. Là, tu sais, ouais, j'imagine qu'il y a une VHS chez eux, un lecteur VHS. Là. Ben là, comme toute bonne personne, en fait. Fait comme tout le monde qui se respecte. Là. Exact. Fait qu'une belle commande de 154,97$ avant taxe. Très apprécié. Et puis, shipping gratuit. Darst, tu sais combien de commandes on a passé juste avec notre nom? Je dois être un client pas pire aussi. Ah ouais, Darst, c'est quoi ton nom, toi, dans notre... C'est quoi? Quand on va les mettre à l'écran, ton... d'ailleurs, ces gens-là. Oui, mettons-les à l'écran, en effet. Dedans, mais ouais. Moi, j'ai tout, hein. Fait que quand il y a des gens là, qui nous écrivent, qui disent « Hey, j'étais un beau client! » C'est pas d'elle, c'est Daniel Gosselin. Alors, on va aller voir. Il y a Freddy Joux qui dit qu'il a manqué le début parce qu'il était sur la rediffusion de Rétro Nouveau sur l'autre poste. Là, les archives qui poursuivent encore là, présentement. Là, maintenant, dans une rotation d'épisodes complets des 242, je pense qu'on avait. Là, ça roule. Oui, hein. Oups. J'écoutais votre top 2019. C'est malade. Attends un peu, là, ça load tranquillement. Donc, Daniel Gosselin, mesdames et messieurs, 64 commandes chez Rétro MTL. Ça en fait un bon... J'ai les dépenses totales, Daniel, de ce que tu as dépensé chez Retro MTL. Et ta dernière commande date du 30 mai. Alors, ta dernière commande était aussi... je te remercie. Tu as acheté un jeu que j'aimerais que tu nous dises si tu es présent une prochaine fois dans le chat, si tu as joué Non-Guns Doppelganger édition sur Switch. Un jeu que j'ai hésité à acheter moi-même et puis j'étais pas sûr. Finalement, je l'ai pas fait, mais si jamais tu repasses, tu me diras. Et puis, tu as aussi pogné Beholgar sur Switch, qui est un genre de jeu qui a de l'air de ressembler à Slain. Là, ouais. Ça a de l'air pas pire pantoute. Là, fait que voilà. Donc oui, j'ai toutes vos affaires là-dedans, bien sûr, et je divulguerai rien, sauf... des choses pas importantes comme je viens de faire. Comme des numéros d'assurance sociale, mais... les crédits, c'est le PIN à trois chefs. Hein. Ouais, c'est un nouveau segment à faire, ça. Les clients Retro MTL se manifestent, puis tu piges une facture. C'est hot, ça. S'il y a des rabais pour shipper à Tedford... Tu devrais avoir le code Tedford, quelque chose. Non seulement le shipping est gratuit pour tout le monde, n'importe quoi, même en bas de 100$. On t'inclut un Call of Duty en même temps. On te donne un Uncharted 2. Vite, juste la boîte, par exemple, il n'y a rien dedans. Exact. Il y a Freddy et Barbu de Ville qui disent merci de laisser les archives de Rétro Nouveau rouler. Fait plaisir, ça, c'est sur mon ordi de diffusion chez nous. Fait quand moi je diffuse pas, je vais offline puis je vais online avec Rétro Nouveau puis je le laisse puis je l'oublie là. Fait qu'il, ça roule. Ben une chance que c'est limité d'Internet, là, sinon je pourrais pas faire ça, mais ça roule de chez nous. Là, c'est un ordi qui roule ça. Exact. Fait que c'est comme le Rétro Nouveau Channel qui roule 24 sur 24. On a 10 ans d'archives. On va avoir fini par avoir notre poste de TV à la fin. Exact. Fait que c'est rendu ça, là. C'est ça que c'est. Bonsoir David Bizarillon qui vient de se joindre. Tony Biz aussi qui dit merci. Hey, merci tout le monde. J'étais plus sûr s'il y avait des gens qui écoutaient ou pas encore les archives. Je vais les continuer. Ben c'est, oui. C'est bon. Jim 99999 dans le chat qui vient de Bécomo et bien sûr qui vient de loin. Jim aussi a fait affaire avec Retro MTL pour vendre des jeux de ces jeux. Alors c'est possible aussi. Vous nous envoyez, vous répondez au questionnaire au formulaire sur notre site web. On s'entend, vous chupez les jeux, on vous paye et c'est réglé. C'est facile de même. Mais là, pas trop, s'il vous plaît, on achète ben trop ces temps-ci. Depuis qu'on a acheté la collection de 40 000 piastres, ouais, faut que tu le passes aussi, ça là. Faut qu'on le passe, mais là, quand on fait ça, puis on le publicise, pour montrer qu'on est big, puis tout, ben là, ça donne le goût à tout le monde de vendre ses affaires. On dirait, fait que là, tout le monde vend. Ouais. Pouf, on a acheté des affaires présentement, là, c'est fou, raide. Comme on est enterré vivant, puis on est un understaff pour le traiter, alors on manquera pas de stock chez Retro MTL. C'est bien apprécié. Puis, je voulais prendre un moment pour remercier Giz qui s'est présenté au dernier épisode. Ça a été un très bel épisode. Giz qui s'est bien ouvert. Un des plus écoutés aussi. On a déjà dépassé de 1000 vues après 2 semaines, ce qui est assez rare pour nous autres. On approche d'habitude du 1000 vues. Là, il a dépassé complètement. Là. Exact. Assez rapidement quand même. Fait que c'est très généreux de sa part. On le remercie encore. Puis vous avez vu, si vous suivez les médias sociaux de Retro MTL, que Giz nous a fait don de son kiosque GameCube, en effet, qui avait chez eux, qui possédait depuis 10 ans et puis qui a acheté un particulier à l'époque. Puis ce particulier-là l'a sûrement pogné à un Zellers ou un Future Shop ou je ne sais pas quoi. Fait que il nous a donné ça, on l'a renippé, on l'a mis là et puis c'est vraiment généreux de sa part. On lui a donné un petit cadeau aussi en échange. Fait que c'est donnant-donnant et puis lui, il avait plus le temps ou plus la place pour gérer ça chez eux dans son sous-sol. Fait que maintenant, c'est bright and shine. C'est malade. Chez Retro MTL. Ça va vous prendre à cette heure un qu'il y avait chez McDo ou chez... Les 64 du McDo. Chez les dentistes, il y en avait le temps aussi. Là. Ah oui, ça, j'aimerais vraiment ça. Il y a Freddy Joux qui demande si c'est normal que le podcast Papa Cassette soit pas sur YouTube Musique maintenant que Google Balado est fermé. Je ne sais pas, honnêtement. S'il faut l'inscrire, je ne l'ai peut-être pas fait. Donc, je le ferai si c'est le cas. Envoyez-moi un reminder si c'est pas fait bientôt, là. Ah, des chances à la mousse. Ah ben, on va dire à Jason qu'on vient d'empoigner deux qui sont bien corrects. Ouais. Fait que ça doit dépendre de certaines batches, I guess. Mais oui, je vais aller vérifier pour Google, pour YouTube Music, puis si jamais c'est pas fait, je vais nous ajouter dessus, là. C'est juste de soumettre le lien d'habitude, là. Parfait, ça. Puis à ceux qui ont hâte de jouer à Turbo Kid, ben, comme on dit, c'est sur Steam, mais ça va venir sur Switch... bientôt. Ouais, t'as breaké mes ardeurs de le faire avec comme un BMX qui freine par en arrière, là, vraiment sec, là. Ah ouais. T'as un petit peu, là, on va le faire ensemble. OK. Ben oui, ça serait le fun. Ou à moins que tu le fasses. Non, tu donnes ton opinion, puis moi, quand je l'ai, genre 2 mois plus tard, on fait une autre critique. En tout cas, on verra. J'ai d'autres choses. Je vais parler de Pico 8 bientôt aussi, là, fait qu'on peut attendre un petit peu, là. Mais on n'avait pas de date du tout, fait qu'on sait pas quand ça va sortir, ça, là, sur Switch. Ben ouais, c'est ça. Fait qu'on verra bien. Mais, puis c'est ça, j'ai pas de critique à soir, moi non plus. J'ai pas mal de jeux de collection. Toi, t'avais pas de critique non plus. Non, comme je disais, ça, j'ai des suggestions Pico 8 qui s'en viennent, mais malheureusement, il y avait pas de gameplay sur YouTube de rien. Fait que, faut que je capture puis que je l'amène, là, mais prochain épisode, là. Absolument. Sinon, vendredi dernier, on était chez JF pour un enregistrement live de la soirée du podcast pour le repêchage. 4 heures de temps. Je pense que c'est mon plus long épisode de podcast de toute ma vie, ça, là. Ah, vraiment? Mais ça coulait tout seul, tu sais. Tu nous as vraiment bien installés dans le sofa, les fauteuils, on la petite en mode, table, relax, la grosse TV. Studio mobile, là, genre, tiens ton micro, puis des ailes de poulet dans l'autre main, là. JF nous a servi des Smash Burgers, des ailes de poulet, des... Ouais, j'ai écouté la première heure parce que j'étais pas très présent. J'étais le temps dehors dans le fumé à rien tourner mes affaires, là. Fait que ça a coulé, là, mais ouais. Des rondelles d'oignons faites au bacon, c'est ça. Non, c'était... Des ailes au Doritos, des smash. C'était malade, tout ça. Et puis, bref, ça coulait tout seul. Et puis, on est tous comme mind blown de Demi Dove. C'est un rêve, là. Ouais, vraiment, Demi Dove et puis Michael Hage. Ouais. Aussi. Je pense que c'est un excellent pic, là. Ouais. Ça, j'ai bien hâte de voir puis ça. Puis le lendemain, on a pogné le fils à Koivu. Oui! Atos, Koivu. Atos, ça, en même temps, faut pas capoter avec ça. Non, mais ça, c'est cool pareil. Là, c'est cool. Mais je pense que le fait que son père ait été capitaine du CH pendant si longtemps, ça peut peut-être donner. Peut-être un pousser spark, le kid à vouloir, tu sais, plus. Tu sais, il s'en crisse peut-être moins, là, je sais pas. Là. On essaie de prendre des tomes après la soirée du podcast. Peut-être d'hommes, parce que t'as bu beaucoup de bière pas forte. J'essayais de me mettre chaud, j'étais pas capable. J'ai 5 bières. Les gars, je suis pas chaud, là. Faut faire quelque chose. On en a sorti là. Le fort. Le whisky japonais. Là. Exact. Mais on en a des Tom's parce que Monseigneur Neveu nous en a envoyé aussi dans le package. Ah, il y a Blastman qui dit qu'est-ce que vous dites avec la vieille bière. On parle d'une Fashionista 2018, genre, qui traînait. Elle a fini dans l'évier, malheureusement. On a oublié de la boire, fait que je l'ai sorti. Ah, sorti. Tu l'as jeté pour vrai? Il y avait beaucoup de bières qui dataient de plus que 5 ans que j'ai toutes jetées. Je faisais là, c'est ridicule, là, ce fond de bière-là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. J'ai fait un petit pack là, de 4-5 bonnes bières. Là. On n'était pas encore assez chaud pour la boire. Puis à la fin, on a oublié. Là. Ah ouais. Elle avait une forme de bouteille qui datait de waouh, quand j'ai commencé à découvrir la micro, puis qu'Avant-Garde commençait à exister. Ouais, genre, ouais. Ça fait 7 ans. Ben, 6 ans, en fait. Fait que voilà, très drôle. Le guide alimentaire canadien désapprouve votre alimentation. C'est correct. C'est ce que Tony Biz dit dans le chat. Fait que c'était, une c'était un souper très viandeux, en fait. Là. Ah ouais, il n'y avait aucun légume, là. À part les oignons dans les rondelles d'oignons. Ouais, puis il y avait des patates, non? Il n'y a pas de patates du tout. Pas de frites, finalement, on n'a pas eu le temps. En fait, on avait les Doritos qui sont faites à peut-être oui. avec des restants de patates. Là. Peut-être. Avec du cartilage de porc et de la poudre de patates, là, je sais pas. Mais non, allez écouter ça. Ça coûte très bien, même si le repêchage est fait. Il y a plein d'informations tout le long, là. On a parlé de racistes, on a parlé de taxage, de nazis. De nazis, ouais, des sujets chauds. Des sujets très chauds, là. Ben, parlant de sujets comme ça, je voulais faire un petit retour sur l'épisode 139 ouais. quand même, parce que on a beaucoup parlé de Parti conservateur, puis Éric Duhaime, puis tout ça, tu sais. Puis je pense que j'ai détenu des propos un peu déplacés, en fait, en jugeant très sévèrement les gens de la construction, que j'ai dit que c'est du monde qui vont moins à l'école ou qui n'ont pas de scolarité. Tu sais, j'ai mis tout le monde dans le même panier. Mais t'as fait un genre de cause à effet que le fait de moins aller à l'école ou de d'être moins scolarisé t'amène à penser comme le gouvernement conservateur, là? Un peu. Tu sais, j'enligne tout ça dans le même sens, tu sais. Puis bon, je pense que je suis pas le seul à faire ce genre de jugement rapprochement-là. Par contre, le dire de même, c'est peut-être un peu sec. Cela dit, c'est... je continue... C'est parce que ça sonne prétentieux, tu sais, quand je dis ces affaires-là, puis ou hautain, tu sais, puis c'est ça qui est gossant, j'en suis conscient, mais moi, je suis pas, je suis de nature très docile, tu sais, je suis pas violent avec les gens, puis whatever, je suis comme bon, ils peuvent même passer ce qu'ils veulent, je pense pas de même, mais je m'en porte pas tant, mais je m'en porte plus quand je vois ces gens-là être réactifs, tu sais. Puis là, bref, suite à ces commentaires-là que j'ai fait au dernier épisode, puis qui était, puis je m'en excuse, c'est un peu, c'était déplacé. Est-ce que ça veut dire que je le pense pas? Non, je le pense un peu, mais je veux juste mentionner que je demeure ouvert à toute discussion, toujours, peu importe. Tiens, même que j'adore discuter avec des gens qui pensent pas comme moi, c'est comme ça. Faut que ça soit donné. T'en as dans la construction qui sont super scolarisés, qui vont penser autrement ou qui vont penser comme un peu comme toi puis moi, mettons, là, ou whatever. Oui. Mais t'as des médecins aussi qui étaient anti-vax pendant la COVID. Fait que, tu sais, le monde éduqué sont aussi épais que nous autres, des fois. Là. Bien sûr. Tout le monde est niaiseux à quelque part. On est tous l'imbécile de quelqu'un d'autre. Là. Fait que, ah ouais. Ah, ils ont dit blâmer la boisson. Effectivement, c'est la faute de la Lagerbrau là, qui était très adéquate pour ses commentaires. On était. Qui nous a rendu inadéquates. Mais c'est ça, j'ai eu un commentaire aussi sur YouTube, tu sais, Stéphane Ouellet, que je ne connais pas, qui a écrit, puis c'est le premier commentaire qui est sorti rapidement quand on a publié le show. Et puis, tu sais, moi, j'ai mis dans l'image aussi la face d'Éric Duhaime, tu sais. Ouais, ouais. Je décide au lendemain du show qu'est-ce que je mets comme image, rien que pour parce qu'on ne sait pas d'avance souvent ce qu'on va parler. Là, exact. À part quand des sections, là, mais ouais. Puis, tu sais, quand on a parlé des triangles en métal, tu sais, le lendemain, c'est clair, j'allais mettre des triangles en métal. Là. Fait que là, vu qu'on avait parlé de conservateur puis du M et tout ça, j'ai décidé de mettre ça. Donc là, je vais lire les commentaires de Stéphane. C'est un commentaire public, alors il n'y a rien de... Puis je dis pas ça, c'est pas pour le ridiculiser. Il dit « Je suis ouvert d'esprit, mais le monde conservateur vont moins à l'école, sont ignorants, pas tolérants, sont du monde de la construction. Ça vole pas haut, mais ça vous a donné un bon clickbait. » Alors, c'était pas le but, en fait, là. En fait, le clickbait, ça, c'était pas le but du tout. Alors, il aurait fallu qu'on sorte juste cet extrait-là pour en faire un clickbait. Fait que, tu sais, c'est pas... On a pas attiré le monde avec des commentaires de même. Je pense que quand il parle de clickbait, il parle du fait que j'ai mis Éric Duhaime dans la bannière. Ouais, peut-être. Et là, lui, peut-être qu'il est hyper, tu sais, comme sur Duhaime, puis full into conservateur, tout ça. Fait qu'il est allé voir tout de suite, essayer de trouver le segment. Ouais, ouais. À vitesse qu'il a répondu, tu sais, comme clairement, il est allé directement vers ça. Puis là, ça l'a fait chier. Fait que là. Lui a été clickbaité par ça, même si c'était pas notre intention du tout. Fait que c'est ça. Puis il y a une réponse à ça. Faut pas tout nous mettre dans le même panier. On n'est pas tous comme ça. T'inquiète. Donc, pour répondre, c'est quelqu'un qui pense comme Stéphane. Ouais, ouais. Stéphane, il dit « C'est le point de mon commentaire. Ça me fait très rire que ceux qui s'autoproclament tolérants et ouverts d'esprit sont incapables de concevoir que pas tout le monde pense comme la clique du plateau. » Ah, ben là, tu viens de tomber dans l'inverse du commentaire, de tout mettre le monde qui pense comme des gauchistes, de la clique du plateau, là, Ben, moi, j'ai répondu à ça. Juste le fait que tu mentionnes « clique du plateau » démontre tout mon point, tu sais. Mais lui, il a répondu, le fait que tu mentionnes le monde de la construction prouve le mien. Ouais, il a raison aussi. Il a 100% raison, tu sais. Fait que là, moi, je suis comme, c'est bien vrai, tu sais. Moi, je mets tout le monde dans le même. Parce que moi, ça clique du plateau. Moi, la clique du plateau, man, est-ce que je suis pas capable d'en entendre ça? Il y a personne à Montréal qui dit clique du plateau. La gang à Guilla. La gang à Guilla puis la clique du plateau. C'est tellement une vieille affaire, ça a tellement pas rapport, tu sais. Ça vient tellement pas de Montréal. C'est le monde qui dit clique du plateau, c'est tellement tout du monde qui pensent qu'ici, on roule en communauto puis en vélo, esti, puis qu'on mange du compost, puis qu'on vote Québec solidaire. Ah, mais je pense que la clique du plateau s'adresse beaucoup au volet, tu sais, divertissement, médias, là. Guillaume Lepage, tout le monde en parle, qui invite des gens qui connaissent plus ça, pour moi. Ouais, bonsoir, ouais, présentement. Ouais, ça, là. Hey, ça, là, faut que ça cesse, esti. Ça finit plus, cette émission-là. Fait que. Jean-Philippe Gauthier, là, moi, là, j'ai bien de la misère. Ah, écoute. Ouais, il fait partie de ma vie. À cette heure, je le vois tous les jours quand j'allume la TV. Fait que c'est ça. Fait que bref, moi, quand je clique du plateau, je trouve ça insupportable, là, tu sais. Ouais, ouais. Les woke, style, les trans, ça, tout va le là-dedans. Wokisme, puis là, moi, je vais là-dedans parce que selon Stéphane, je suis comme ça. Mais tu sais, selon moi, Stéphane est aussi. Ben, un camionneur. Les deux bars, c'est des entonnoirs qui mènent vers genre des affaires très précis qui sont des généralisations. Là. C'est des généralisations, en effet. T'sais. Puis, check, Stéphane, je le connais pas. Il a sûrement, probablement, des enfants, une famille, il travaille fort, fait ses affaires et c'est tout good. Ça. Allez l'insulter sur Facebook. Non, mais c'est ça. Il fait pas de mal à personne. T'sais, il pense comme il pense. Puis il est non, pas, je veux dire, son commentaire. Il est pas nuisible envers la société. Il était quand même bien formulé. Ça, il t'a pas envoyé promener. Il a juste dit qu'il a pas apprécié et qu'on généralise. Parfait. Là. C'est un bel échange. Ben, puis il m'a prouvé qu'il avait raison. T'sais. Puis, moi, je fais exactement comme lui. T'sais. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il nous écoute là? Probablement pas. À moins que tu mettes une photo de Duhem en encore peut-être, je sais pas. Ben, j'espère qu'il nous écoute en tout cas, parce que je veux qu'il entende ça, tu sais, parce que je veux pas. Là, moi, Chris. On n'est pas un podcast polémiste, de, là, genre de foutre la merde, des opinions tranchées là, d'affaires là, comme ça. Là. Exact. Puis, tu sais, on m'a proposé un autre podcast aussi dans les commentaires là-dedans que j'ai essayé aussi. C'était Yann et. Ici. Yann et Franck. Pas à mélanger avec Yann et Franck de Monsieur Net, là. Parce qu'au début, je pensais que c'était ça, je comprenais pas trop. Non, ça, c'est un genre de podcast de gens vraiment plus à droite, là. T'sais. Puis eux autres, leur job, puis ils font ça à temps plein, apparemment, aussi. Ah, ouais, j'ai écouté un peu ça. Puis là, ça dénonce tout ça, t'sais. Mais, puis ils font bien leurs affaires, puis c'est bien correct. Puis, il y a des points... Tu sais, moi, je suis pas mal anti-syndicaliste, là. Fait que je suis 100% aligné avec tous les Radio X conservateurs là, pour ce point-là, t'sais. Mais il y a un certain manque d'ouverture qu'ils ont, je trouve, qui me dérange. Puis bon, tu sais, fait que ça... Mais je peux entendre les deux côtés. Ouais. Moi, je suis plus centre-droite, tu sais, dans la vie. Peut-être pas mal plus que centre-gauche. Fait que tu sais, mais je suis pas un extrême droite, là. Puis eux autres non plus, d'ailleurs. Je pense pas qu'au Québec, il y ait des gens d'extrême droite, tu sais. Il y en a, mais on les voit pas, là. Ben, ils sont riches, sans calice. Ouais, on les entend pas! Non, mais des revendicateurs. Ils parlent tout en anglais, là. Des revendicateurs extrême droite. Ouais, comme aux États-Unis, il y en a. Mais ici, c'est l'extrême droite, on se rend pas là. Puis le podcast de Franck et Yann, il y en a un que j'ai écouté qui ça parlait un peu de ça. Puis je suis quand même un peu d'accord. Extrême gauche, je pense qu'il y a plus de ça ici que extrême droite, tu sais. Mais bref, les extrêmes, c'est jamais bon, de toute façon. Et puis, c'est ça que je voulais dire, tu sais, que, tu sais, peu importe, moi, j'aime m'asseoir avec des gens qui pensent pas comme moi puis qui ont bounce nos idées. Et puis, il y a du bon des deux côtés, et puis c'est de même qu'on fait une société et une démocratie, au final. Ouais, exact, là. N'est-ce pas? Mais ouais, je fais que, bon, je suis désolé si j'ai insulté des gens. Traitez-moi de gauchiste, de woke plateau. Mais si vous saviez comment je suis capitaliste. Le gros bidou. Le plus de profit possible. Blastman, tu voulais juste créer un débat. Ben non, je voulais pas. Non, pour vrai, pour être franc, je voulais pas créer de débat en disant ça. Ça a juste sorti tout seul. Et puis, je me sentais mal, même en le disant. Fait que c'est ça. Mais tu sais, comme crucifiez-moi si vous voulez. Là. Félix qui demande notre avis sur Trump. Moi, juste le fait qu'un criminel puisse se présenter à la tête d'un pays, c'est une aberration. Devant un estide sénile qui se bat de perte de connaissance. Tabarnak, vous êtes mal pris aux États-Unis, là. Hey, man, ça fait c'est pitié, l'enfer, tout ça, là. C'est l'enfer. Je peux pas croire qu'ils sont rendus, que c'est les deux seuls choix qu'ils ont en ce moment, c'est ça, là. Un fou ou genre un qui va probablement mourir pendant son mandat, là. Exact, exact. C'est débile. T'as-tu vu le... Je l'ai pas écouté, mais Biden était... Biden, man! Arrête, là! Ah ouais, hein, ça avait pas d'allure. Biden est top shape. Biden va finir comme... c'est quoi le film, là? Vacances avec Bernie. Là. Oui, oui. Vacances chez Bernie. Là. Oh, là, je veux dire. C'est tellement, ouais, tellement bizarre comme élection. C'est weird. Là. C'est un gros cirque dirigé par l'argent. T'sais. On a pas des bons choix ici. C'est encore pire au States. Ah, oh, absolument, absolument. C'est... Mais tu peux pas avoir genre 82 ans, puis tu te bords de t'endormir à 8 heures le soir, puis diriger un pays de même non plus. Ça... Moi, j'étais à penser qu'en politique, là, 70 ans, tu devrais pas avoir le droit d'être là. Oui. C'est pour les ans. Faut que tu aies de l'expérience, mais faut que tu laisses la place aux jeunes à un moment donné, puis aux prochaines générations. Parce que là, tu vas être mort dans 20 ans max. Là, qu'est-ce que tu fais encore au pouvoir? Là? Ah non, je suis 100% d'accord. À moins que tu sois entouré d'une belle bande de jeunes super productifs. Ouais, ouais, mais non, là. C'est, t'sais, je m'ennuie du bon vieux temps de. Voyons, celui qui a trompé sa femme. Là. Clinton? Ouais. Clinton puis Obama. Tu sais, ça allait. Ça, Obama, ça y allait. C'était période, Obama, ouais. c'était beau, là. Tu sais, ça allait bien, là. Mais en tout cas. Bob Gatto for president, ouais. Ça me fait pas. Dares dans le chat qui s'est fait penser à l'épisode du South Park où les enfants doivent choisir entre une poire à lavement ou un sandwich au caca. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté South Park. Ouais, moi aussi, là. Je suis plus très au courant. boy, oh boy. Bon. On fait de l'âgisme. Ben oui, ouais, crissement. Ouais, ben oui. Dans ce pour cas-là, ça, oui. Là, à un moment donné, là, ça a des limites. Là. Il devrait être conseillé, tu sais, et puis quelque chose de même, là. Mais en tout cas, je sais pas comment ça marche les États-Unis pour Rise, puis le candidat. Je fais de l'âgisme, pas pour dire qu'ils sont pas capables. C'est que je pense qu'à un moment donné, t'as passé ton prime, puis tu devrais donner la place à vous autres, là. Ben oui. Ben, puis Trump, là, je veux dire. Trump, ça a pas de rapport, là. Ça a pas de rapport. C'est là. Violent, ça fait peur, là. C'est n'importe man, quoi. Quand il a pris le pouvoir la première fois, je quand. Là, c'est, je me sentais pas bien. Là. Ah non, ouais, mais. En tant que résident de la je planète me Terre voisin. Mieux au voisin, Canada là. Qu'aux États-Unis, là. Sérieux, là, j'aimais pas ça du tout, là. Biden dans son prime. Pauvre lui. Yeah, man. Passe tout le temps sur le bord de tomber dans les marches en sortant de l'avion à chaque fois. Les jambes raides. Eh ouais. Ah, sinon, t'avais-tu d'autres choses en intro, toi, Jeff? Ah, pas tant. Je suis allé à la ronde, là. Ouais. C'est insultant, la ronde, là. Ouais. Sacrément que ça fait dur. T'as pas le droit d'amener ton eau pis ton lunch? Non. Le parking coûte 30$. 30$? 30 fucking piastres. Parce que là, maintenant, il y a plus de tarifs genre par âge. En haut de 2 ans, 40$ pour rentrer. Peu importe l'âge. Il y a plus de demi-journée, il y a plus d'accompagnateur pour genre la section des enfants. Ah, ouais. Fait que, là, ils te forcent à payer, mettons, 75$ ou 90$ pour prendre la passe qui inclut le parking moins cher ou gratuit. C'est aberrant, là. Pis ça fait dur, Chris, là. Tous les toits délavés depuis 40 ans, là, là-bas. Mettez une couche de peinture. Ils ont enlevé un paquet d'affaires. Il n'y a plus la pitoune, il n'y a plus de monorail. Ils ont enlevé un paquet d'affaires. Fait que c'est vide, la ronde, pis c'est pourri, là. Ah, ouais, hein. Tu sais, ils ouvrent à 10h30 à cette heure pour te forcer à acheter ton dîner, là, c'est sûr. J'ai pris 3 dogs, une poutine, un verre d'eau, 47$, ça m'a coûté. C'est fou. La pauvre petite fille de 15 ans que j'y ai pas donné de type, là, t'sais, je... Non, c'est ça, hein. On jette notre dévolu sur ces pauvres jeunes-là en qui sont temps, là. Comme pour là faire... Hein, mais écoutez, 150$ n'est à ronde pour 4 heures, là. Si je peux pas te donner de l'argent de plus, là. C'est, ah, c'est non, fou, là. Il y a encore des fast pass pour couper les fils d'attente. Ouais, le modèle Disney de fast pass. Ben peu, oui, là, c'est de... ça, tu payes pour tu ce qui paye. Tu payes plus pour ce qui paye les autres, là. C'était pas si payé, check mon gars. Ça, c'est-tu malade, pareil. Attendez-vous, les pauvres. Moi, je m'en vais faire les manèges. À Disney, il y a ça quand tu restes aux hôtels, mais t'as genre droit à 3 manèges par jour, mettons. Là. Fait que c'est pas trop aberrant, là, mais il y a comme 4 manèges à la ronde, 6 boire, là. C'est l'enfer. Aïe. Ben, j'ai fait le tour de la petite ronde assez rapidement avec mon gars. Là, fait que je suis comme, ok, ça vient de me coûter 150$ de ça, là, pour des souvenirs pour lui, pas pour moi. Ah, ben là, ça fait partie d'être non, parent. C'est correct. Mais se faire crosser tout le temps, c'est moi, bien je suis parti chez nous avec genre 20$ cash dans les poches. Bon, le parking, bon, ça va coûter. Non, mais pour le parking, là, ouais. Là je vois la pancarte, 25$. Je suis à 6 boire. Ah, 30$. Quoi? Ok. On est pogné, 30$, vas-y là. Avec 20$, t'as genre un Miss Vicky's puis un gros Coke là. Ouais, c'est un Miss Vicky's, c'est un défect là, qui te donne. C'est ça. Les manèges, ça a l'air mieux aux States. Ouais, ben c'est bien mieux aux States, c'est clair. Là, c'est un... Mais là, c'est depuis qu'on est avec Six Flags là aussi, tu sais. Ouais, le stand à cela, je suis bourré de game. C'est plein de tons dans le stand. Dans le stand. Tu passes à cause, ça fait comme. Ah, 20$, c'est le parking. C'était pas pour le reste. Là. Le reste, j'ai ma carte. Inquiétez-vous pas. Là. Ah ouais. Ma soeur me disait que ça valait même en... ça vaut la peine de prendre ta passe parce qu'en deux shots, t'as déjà... C'est ça que j'ai vu après. J'ai dit, j'aurais dû prendre ma passe avoir ça. J'aurais retourné tout seul faire les manèges sans mon gars m'amener. Mais non, là, ça, avec le prix du parking puis tout ça, c'est fou. Là. Ouais. Le zoo, beaucoup moins cher au moins. Là, puis beaucoup plus abordable. Puis amène ton lunch. Puis viens te baigner. Là. Absolument. Est-ce que t'as acheté des Dippin' Dots, GF? Ça doit faire 20 ans que j'ai pas mangé ça, des Dippin' Dots. Là, c'est des, quoi ça, donc? C'est des petites boules de crème glacée, mais c'est comme de la crème glacée lunaire, je pense. Là. Mm. C'est juste des petites billes de crème glacée. C'est comme là. des flocons. Ah, c'est pas sec, là, comme des flocons. Non, c'est comme là. Des petites billes. Là. OK. Ah, ben, je les queues de castor, c'est rendu combien? J'ai même pas voulu regarder. Là. Hey, regarde pas les queues, man. Ça va être ben trop cher. Non, c'est ça. Le staff qui donne des slush et des vétérans, les gars, ils ont peur d'eux. Oh boy. Hier, j'ai eu un brain freeze en prenant une slush au zoo. C'est ça, vieillir, hein, je pense? Oui. Mon gars mangeait un cornet comme s'il n'y avait pas de lendemain. Moi, je suis comme, m'en prendre une petite slush, pris deux gorgées. Je suis venu, là, chaud, là, genre, les yeux qui coulaient. J'ai ma perte de connaissance, calice, là. OK, c'est rendu ça, les brain freeze. Passé proche de mourir. Ah. Vive ma best life, là. Il fallait que tu prennes un café, man. Moi, je prends... Un café quand il fait 30 $? Oui, moi, je prends... moi, je fais comme les gens des pays chauds, ouais. Là. Tu sais, je prends une boisson chaude quand il fait chaud. Ben, c'est parce que j'ai besoin de café, là. Tu t'habilles comme des longues manches, un turban pour garder la chaleur en dedans. Là. Exact. La fraîcheur, en fait. Des gros cafés. Mais... Ouais, j'aurais pu jouer avec mon kid. Ouais, j'en ai chez nous aussi des arcades, là. Je veux faire d'autres choses avec mon fils, comme aller dehors. Il m'a coûté quasiment 300$ en deux jours pour aller au zoo puis à la ronde avec un enfant de 4,5. C'est débile. Ça va te couper ton budget de réouverture de piscine l'année prochaine. Ah, je m'en tout de gagner ça à Vegas, anyway, c'est correct. Ah, ma piscine est pétée encore, anyway. Là. Mon chauffe piscine est brisé. Dans la semaine que je suis en vacances, évidemment. J'ai payé 3000$ pour être en vacances en piscine. Ah non, on va briser le chauffe piscine. Coule-moi du béton là-dedans, tabarnak. M'a noyé dedans direct. Il m'a trouvé en train de flotter dans la piscine. Le zoo 3 enfants, c'est une congé. Il m'a coûté 450$ pour les passes. Ouais, les passes, ok. Parking gratuit pour avoir le lunch, ils ont des manèges et une piscine. Ouais, c'est quand même bien l'offre et quand même bien à Granby. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a des chars en tabarnak. Moi, je suis allé l'année passée, là, puis oh my god. Mais là, en plus, il y a des constructions devant le chemin qui arrive là, fait que c'est comme c'est un entonnoir, puis c'est débile. C'est... Ah ouais. Faut que mais tu partes dans le parking, dans le quartier, pas loin. Là, ouais. Mais hier, il n'y avait pas tant de monde, là, probablement, parce que c'est pas encore les vacances de construction, fait que c'était correct. Ça a bien été. Ah ouais, il va jamais là pendant la construction. Non. Puis en début de semaine, là, même, c'est bon, en effet. L'hiver, le zoo, très le fun, par contre. Il n'y a personne, puis ça coûte moins cher, puis c'est cool. Tu peux promener, là. Allez, tu vois-tu des animaux ou dedans, il y en a qui sont dehors, mais ils sont souvent dans les cabanes en dedans. Là. Genre l'éléphant est en dedans, mais tu le vois très proche est en dedans. Ça. Ah, ça c'est cool quand même. Les raies sont-tu pognées en glace dans le bassin? Tu peux les flatter? C'est en dedans ça aussi. Moi j'ai une phobie des raies d'ailleurs. Là. Ah oui? Dans les affaires que j'aille le plus au monde, une raie, là, ça me. Vous ça dans l'eau, là, je vais me chier dessus, là, c'est sûr. Là. Je sais, mais il y avait une activité que tu peux aller flatter des raies. Je peux pas aller. Vas-y, man, c'est une bonne façon de combattre ta peur. J'y aille avec une caméra ou quelque chose me freine. Moi je n'ai flatté en hostie des raies. Faut-tu payer en ligne? Ouais, faut payer en ligne avant de rentrer. Ouais. La ronde, c'est le cas aussi. Bromont, les glissades pour apporter ta bouffe. Bromont est un petit peu plus cher, mais quand même pas si pire. Il y a juste la ronde qui t'empêche de t'amener ta bouffe, en fait, là, ce qui est rare en tabarnak. Mais j'ai vu plein de monde manger, mais à l'extérieur de la ronde, genre, c'est des tables de pique-nique. Ah ouais, ils sortent dehors. Mais c'est comme fuck, j'ai pas mon char, j'ai mon lunch à revenir, ça finira plus. Là. Ouais, j'avoue. En tout cas. Mais en même temps, toi, t'avais juste un petit gars à nourrir. C'est ça, puis je veux dire... Oh, une famille de 4-5, là, c'est... Ouais, c'est ça, là. Ouais, ça coûte cher, genre, là. Fait que tu sors, puis tu vas chercher tes sandwichs dans ta valise, dans tes ice packs. C'est là. Ça. Oh boy. C'était bien plaisant. Fait que j'ai le dos tout rouge, pas de crème solaire. Je m'accote, ça fait comme... Ah, ça fait pas du bien. Vacances. C'est les vacances, man. Moi aussi, ça revient. Bientôt aussi, d'ailleurs, il faudra... on va manquer des semaines. Moi, je suis en août, début août. Fait qu'en tout cas, on vous dira ça d'avance. Là, il y a des shows qui vont skipper. OK. Fait que voilà. Moi, je m'en vais en voyage fin de la semaine prochaine, mais je vais être revenu pour le prochain épisode. Là. Oui. Parfait, ça. Fait que, c'est tout. Ouais. Dans l'intro de 35 minutes, on n'avait rien, on a rien, fait qu'on parle. On a, ouais, ben c'est ça. On ben fait là... un podcast, on dirait, là. Ben, on va aller en collection, ouais. Puis parce qu'après, ben, on va aller dans les questions tout de suite. Ben oui. Fait que, beaucoup de choses en collection cette semaine. Oui, il faut que je trouve le panneau collection. Alors, on commence, puis j'en ai pas souvent parce que j'ai déjà tout, avec une cassette de Nintendo, mesdames et messieurs. Il s'agit de la légende de Zelda. Lâche pas, continue comme ça. C'est une Zelda au Nintendo en or, mais attention, 5 screws. Donc, vous voyez, il n'y a pas les petites pins sur le dessus ici, et à l'arrière, il y a bel et bien 5 vis. Alors, ça faisait un bout de temps que je voulais avoir ça, parce que moi, j'aime bien les 5 screws, parce que c'est les premières éditions des jeux. Et puis, des Zelda comme ça, je n'avais jamais vu. Puis, on a pogné... Non, puis j'en cherchais. Puis, elle n'est pas pire en bon état, puis on l'a pogné. Chez nous, vous allez check. Tu checkeras. Ben, ça veut pas... ça vaut 70$ selon Price Charting. Ouais. T'as bien fait ce qu'il y avait, t'as mis le prix. Et puis, un Zelda normal, c'est un peu moins, là, mais tu sais, ça vaut pas 400$. Là. C'est pas la fin du mais monde. Mais le 70 vient du fait qu'elle est en or ou les 5 screws en arrière? 5 screws. Okay. Parce que les Zelda en or, tu sais, des fois, les gens, ils viennent en magasin, ils sont full nostalgiques. Là. Aussi, mais je sais pas ce qu'il y a en arrière, j'ai pas regardé. Ouais. Mais le monde qui vient en magasin, il vaut pas ça souvent. Ils disent, hey, je l'avais, moi, ça, les cassettes or, ça, ça vaut cher, c'était de l'or. C'est comme... Non, c'est super commun. C'est si tu as les Zelda grises, c'est beaucoup moins commun. Là. C'est les Late Release. Non, mais c'est ça pareil, tu sais. Fait que elle marche, et elle sauvegarde encore et tout, et puis je suis bien content. Guiz, spécialiste Zelda, qui s'est présenté au dernier épisode ici, qui était notre invité, a regardé ma cassette et a été capable d'évaluer qu'elle est une vraie, de vraie, de vraie, de vraie first print. Wow. À cause d'un code là dessus. En arrière, à cause d'un... En tout cas, il a tout analysé ça. Puis ça, c'est une vraie, de vraie, de vraie first print Zelda. Fait que je suis bien content d'avoir ça. Je trouve ça magnifique. C'est un excellent jeu ici. Là. Ouais, là, mais maintenant, GF, il rajoute, il y a du gameplay. J'ai eu une idée hier en préparant le show. Je suis comme, ah, mais on pourrait le faire dans un overlay à côté, mettre du gameplay. Là, on va le faire comme ça pour aujourd'hui. Ça sera présenté à vous entre les items de collection. Prochain jeu de Nintendo, il s'agit d'un bootleg. Et puis, si vous suivez Papa Cassette depuis un long moment, t'as rien de ça, GF, je te l'ai même pas dit. Fait que là, c'est normal que t'aies un regard paniqué. Je suis comme, c'est quoi le prix de ça? Il y a pas de prix de ça. Okay. Parce que ça ici, c'est écrit dessus Entertainment Computering. Ah, c'est une multicarte? C'est une multicarte avec comme un brand, avec un bonhomme étrange dessus, comme ça. Et puis, à l'arrière, il y a ce collant-là. Golden 250. Et puis, ça, c'est acheté disponible chez Kirouac et tous ces bons magasins de l'époque. Kirouac. Radio Shack, sûrement, je sais pas. Et puis, c'est ça. Moi, j'aime bien ramasser les bootlegs weird, comme ouais, ça. Ouais, ouais. Il y en a qui sont brandés. T'sais, pas les Famicom, là, sauf... ouais, qu'il y a deux avec la petite languette. Exact. Ben, attends, tant qu'à y être. Dom se penche pour fouiller dans son sa chaise collection sur le côté. Tant qu'à parler de bootleg, ça non plus, GF, je les ai pas donnés. Ça, c'est des Micro Genius. OK? Puis ça, j'aime. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime ça. Et puis, les Micro Genius, c'est de la contrefaçon. C'est une compagnie qui ont pris des jeux Famicom, puis qui ils ont pris des adapteurs 72 pins. Et puis, ils ont vendu ça ici, dans un petit boîtier de même. Et puis, en arrière, il y a de la pub. Ils ont même fait une console, toute la patente. Fait que ça, c'est comme une aberration, tu sais. Puis ça s'est fait flaguer à l'époque. C'était beaucoup totalement... de side pocket, là. Oui, c'est ça. Ben c'était totalement illégal. Oh, puis là, pour les gens qui écoutent puis qui voient rien, ici, on a deux copies en boîte de side pocket de Micro Genius. Donc, t'avais pas de livret là-dedans, t'avais rien. T'avais ça. Et puis, j'avais déjà side pocket. Celui-ci. Puis celui-ci a été trouvé au CCJVQ par Joe Brochu, notre bon ami. Alors, je considère ça comme un variant Micro Genius. Puis moi, j'aime les ramasser avec la boîte. Tu sais, comme juste la cassette tout nue comme ça, là. J'aime pas ça, là, tu sais. Et puis regardez comment, là, le petit ruban, il est comme full... Ben ouais. Il est full gaga. T'sais, on comme dirait un ruban de couche. Là, oui, on dirait un ruban de couche, puis ici, il est différent. Ah, moi, c'est plus comme ça que j'ai. Là, de... Exact, exact. En dessus. T'sais, puis le ruban, parce que la cassette, elle rentrait de même dans ta NES, mais si tu tires juste sa cassette, je fais une démonstration, elle va se séparer. Alors, le ruban servait à tirer toute la patente d'un coup pour l'adapteur respire dans le fond de ta NES, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est fait de même. Puis ça, quand ça marchait pas, ces cassettes-là, tu soufflais dans la NES, dans le bas de la cassette, dans le connecteur en haut, dans le connecteur en bas. T'as plein de connecteurs. Tu soufflais partout, là. À nettoyer puis à souffler une vraie essoufflerie. Tu gonnais avec les connecteurs un peu, puis le 72 pin dans le fond, un peu, quelque chose de lousse tout le temps. Exact. Oh. Fait que oui, comme Simon Lahaye dit dans le chat, la Baby Mario est la plus populaire des Micro Genius. Et puis, c'était Bio Miracle, boucoté ou pas. Jeu Famicom, fait par Konami, d'un bébé qui a plein d'aventures avec son hochet. C'est super bon, ce jeu-là. Puis, ils ont appelé ça Baby Mario ici. Puis, ils ont été vraiment brillants de faire ça pour faire du cash. Ouais, jeu que j'ai longtemps pensé qui était un rêve que j'avais eu pendant que je faisais de la fièvre, maintenant. Je l'ai vu une fois, puis j'ai plus jamais vu ça de ma vie jusqu'à récemment, là, mettons. Là. Exact. Fait que je pensais que j'avais imaginé ça. Il y avait un jeu de Baby Mario, un tableau dans des gâteaux de chocolat, puis non, c'est vrai. Là. C'est vrai tout ça. Faudrait qu'on visite tout ça, maintenant. On devrait le critiquer. Ben, je l'ai. On pourrait le jouer. Puis c'est ça. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire? C'est difficile de mettre une valeur sur ces cochonneries-là, de Micro Genius. Moi, tu sais, j'aime bien payer 10$ pour ces affaires-là. Tu sais, Baby Mario, le monde. Ils vont l'acheter pour 100$, puis je le comprends, puis ça serait pas mal ça, le market. Ouais. Mais toutes les autres, là, tout le monde s'en sac, surtout Side Pocket. Fait que la valeur de ça, 5$, 10$, whatever, il y en a qui s'essayent, là, tu sais, pour 50$, pour n'importe quoi. C'est too much. Ça vaut rien, c'est dans nature, mais je les ramasse, puis c'est très drôle. Puis pour revenir à celui-ci, celui-là, il fait partie de la catégorie de ceux qui ont eu une espèce de brand, puis qui a eu un effort supplémentaire. Puis c'est louche et unique, alors un de plus. Un jour, je devrais amener toute ma collection de bootleg de même, puis montrer ça aux gens. J'en ai quand même beaucoup des Micro Genius. Ben oui. Alors, maintenant, on s'en va comme par magie dans l'univers de la Nintendo Switch avec un jeu qu'on a reçu chez Retro MTL cette semaine, la semaine passée. C'est Dave the Diver à 55$ retail, donc. Et puis, Bruno avait fait la critique de ça à Retro Nouveau. Je vais juste prendre une gorgée de bière. Ouais, ben vas-y, pendant que t'en parles. Oui, Bruno a fait la critique, il avait adoré le jeu, mais ça avait été un pogo free. Ah, sûrement un pogo free. Puis moi, j'aurais pu acheter ça. J'ai du gameplay. T'as du gameplay. J'aurais pu acheter ça en digital aussi, mais quand j'ai su qu'il allait avoir une version... Je l'aurais acheté en digital s'il n'y avait pas eu de version physique pour y jouer, ça c'est sûr et certain. Et puis... Mais là, je l'ai eu, je l'ai commencé en fin de semaine, et puis j'adore ça. Là. C'est un jeu un peu de gestion de ressources. Tu plonges dans l'eau, tu pêches plein de poissons, et puis tu ramasses de la matière et des aliments et toutes sortes de choses. Tu as deux plongées par jour, puis le soir, tu amènes tout ça au restaurant de sushi dont tu es l'un des copropriétaires, puis tu fais le service. Fait que là, tu t'occupes du menu, tu fais des changements de ci, de ça, puis avec ce que tu as ramassé aussi, tu as un téléphone avec des apps, puis dans ce téléphone-là, chacune des apps a des utilités. Comme il y a un d'autre qui booste ton équipement, il y a un d'autre qui fait des armes, donc le métal que tu ramasses, ça, tu peux fabriquer des armes avec ça. Ça t'en prend à un moment donné des plus grosses armes pour chasser, pour tirer sur les requins en dessous de l'eau et tout ça. Alors, c'est vraiment un très, très, très, très bon jeu, très agréable. Bien content d'ajouter ça à ma collection Switch et j'y joue présentement. Mais là, je l'ai mis sur pause parce que j'ai starté Gravity Circuit, qui est également disponible chez Retro MTL et également au prix retail de 55$ et que Bruno a également critiqué à Retro Nouveau. C'est-tu lui ou c'était Fred? C'est lui? C'est lui. Je me demanderai avec un autre. Il en a fait beaucoup. Et puis, ça, c'est comme un Mega Man. Tu peux mettre du gameplay. Là. Yes. Si vous êtes en manque de Mega Man, mesdames et messieurs, là, c'est le jeu pour vous. C'est vraiment super bien fait. C'est frénétique, mais contrôlé comme gameplay. C'est plus Mega Man X, là, ce gameplay. Ouais, ouais. Avec des dashs, puis coller ses murs, puis tout ça. Et puis, ce qui arrive, par contre, quand tu détruis les Robot Master, c'est que tu gagnes pas leur pouvoir, tu sais, mais tu ramasses du cash, puis tu as des upgrades de ci, puis des patentes de ça, fait que tu boostes, puis tu as des coats de la peinture, tu fais peinturer ton robot, ça te donne des skills différents, fait que c'est comme ça que tu utilises tes améliorations. Donc, puis tu peux ramasser des capsules cachées aussi pour plus de life et plus de power, magic power, là, si je peux dire. Alors, ça, pour vrai, puis Bruno l'a critiqué, je suis comme, fine, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi tight et aussi agréable. La musique, tout. Le grappin, man, c'est comme un Mega Man sa sauce. C'est vraiment, ben ouais. Pour vrai, là, c'est vraiment super bon. Là. Fait que moi, je vous recommande d'acheter ces deux jeux-là immédiatement chez Retro MTL. Et si vous le faites, vous allez avoir le shipping gratuit parce que ça va être au-dessus de 100$. Et je vais probablement perdre de l'argent, surtout si vous habitez au Nouveau-Brunswick. Parce que je fais juste 10$ par jeu, même pas 8$ dans ce cas-ci. Ça te prend un code promo quand tu donnes des jeux live là, qui est bon pour une heure, le temps du show, puis c'est tout. Hey, c'est pas fou ça, pareil, on devrait faire ça. On va faire la promotion croisée. Ouais. Fait que on peut revenir à la caméra. Moi, je vous le dis, mesdames et messieurs, ces deux jeux-là, si vous aimez, ben, si ce que je viens de dire résonne et si vous avez écouté les critiques de Bruno, ça vous a allumé, c'est pas... Vous allez adorer ces deux jeux-là. Tu sais, puis des fois, ces temps-ci, je ressorte les jeux Switch que j'ai pas joué, puis je me force un petit peu, puis il y en a que je me force à aimer, puis Colin, j'ai envie de lâcher, tu sais. Ouais, ouais. Mais là, je suis into it, ces deux jeux-là. Là. Puis Dave, je vais faire la critique de ces deux jeux-là, anyway. Mais Dave, je vais faire Gravity Circuit en premier parce que c'est plus court. Même si c'est quand même dur, hein, mais Dave, ça va être plus long. Ça devient difficile avec, je pense, avec l'âge là, qui avance, de toffer des jeux pas bons. Là, c'est... Oui, ça, c'est... parce qu'on a d'autres choses à faire. Oui, c'est ça. Le temps est limité. Puis le temps de gaming est assez limité aussi pour moi. Là, fait que, quand je prends un navet, je l'arrête assez rapidement. Là. Exact. Puis tu sais, moi, on a une charge mentale aussi, là, pour vrai. Là. Puis moi, quand un jeu me surcharge mentalement, j'ai plus beaucoup d'espace. Ouais, moi fait aussi, quand, c'est ça, quand c'est... un jeu devient comme lourd, non, là, c'est pas vrai. Là. Moi, il faut que je rentre dedans rapidement et que j'aie du fun, tu sais. J'ai plus de temps pour ça. Là, il y a Riven qui vient de sortir, by the way. Là. Side note, là, la suite de Myst. La suite de Myst, ouais. En VR? En VR et en non-VR, ils l'ont tout refait parce qu'ils avaient perdu les assets du jeu. Fait qu'ils ont tout remodélisé le jeu au complet. Ils ont refait des puzzles, ça a l'air incroyable. Là. Ça a l'air beau, beau, beau. Fait que je vais le faire. Là. Sur Steam? Il est sur Steam, puis il est sur Quest aussi pour VR. Tu vas le faire comment? Ben, je vais faire les deux, je pense. Ben, j'ai goût de le faire en VR, mais j'ai-tu goût de marquer dans un puzzle de... des dizaines et dizaines d'heures dans le VR, je le sais pas, fait que faut que je regarde ça là. Ouais. Je sais pas s'ils ont fait que tu peux avoir Steam, le VR et ta game non VR en même temps, peut-être, je vais m'informer là, mais Chris, ça pourrait-tu être exactement la même game que tu peux sync ben, y en avait, VR c'était quoi le jeu? Le jeu de t'aller dans l'espace là qui avait floppé au début là. Ah ouais, c'était compliqué là. J'ai un blanc là. Ouais. Ah, c'est certainement pas moi qui vais s'en souvenir. Je l'avais critiqué là. Dans le chat ils nous le diront là, mais ce jeu-là, tu pouvais être en non-VR, puis comme mettre ton casque, puis No Man's Sky, merci. Ah, bravo. Puis ouais, tu peux après ça aller en VR, puis t'étais dans le même game, mais t'étais en VR, là, donc... Ouais. On me dit de faire Turbo Kid, ouais. Mais oui, c'est No Man's Sky, merci tout le monde. Ouais. Mais je vais regarder pour Riven, assurément, je vais le faire, ça sera peut-être en stream, peut-être en critique, je sais pas trop, mais ça sera joué par moi bientôt, là. Ah, ben ça, c'est cool. J'attends de réussir à passer Compound, là, sur VR, je me rends au boss de fin avec l'hélicoptère qui me gunne, c'est là que je me suis rendu, là. Ouais, ouais. J'ai commencé à streamer du VR là, récemment. Là. J'ai trouvé comment streamer du Quest 3, pas de fil. Oui, tu me disais ça chez vous. Ça s'en vient. Là, je vais être comme, oh, je suis un petit peu excité. Je recommence ça de bord. Là. Malade. Excellent. Yes. Bon, ben, ça va. On retourne dans nos affaires. Oui, puis ça va être très cool que tu fasses la critique de Myst, là, justement. Parce c'est des de Riven, excuse-moi, des affaires que je jouerai jamais. Puis moi, la pochette me captivait à l'époque. Ah, une espèce de boule. Là, ouais, ouais. T'sais, une grosse boule en or. Là, ah, tu ouais. C'est débile, ces jeux-là, pour vrai. Là. Moi, j'adore ça. Là. Je l'avais pas fini dans le temps non plus. Là, donc. Oh, exacto. Exacto, parce qu'on va faire du unboxing, oh, mesdames shit. Et messieurs. Tu veux revenir à grosse cam? Non, ou... non okay. Reste dans okay. Main. Okay. Je vais unboxing. S'ouvrir les mains là, live. Alors, IGF, attends un peu. Ah non, son... Ah, je sais pas. Mais dans le lot qu'on a acheté à Gatineau, la personne avait des figurines McDonald's de Mario, de l'univers Mario. Et puis moi, chez moi, j'en ai quelques-unes déjà que j'ai achetées dans une convention, tu sais. Puis le gars, il y en avait une que j'avais pas. Et il s'agit de ce magnifique Goomba qui est encore emballé. Ah, je l'aimais quand j'étais jeune, ça, ben oui. Mais je comprends pas qu'il soit emballé et qu'il n'ait pas son petit livret d'instructions dans le sac. Tu penses qu'il a été remballé? Peut-être qu'il a été remballé ou je sais pas quoi. Mais j'ai regardé sur eBay, puis bien sûr, si cette chose-là avait valu 500$, je l'aurais pas déballé. Mais là, ça vaut genre 10-15$. Aussi emballé 30, whatever, je m'en calisse. Parce que chez nous, ils sont tous déballés, puis ils sont le fun à regarder. Ben alors, oui. Je vais le déballer. Oh, tout l'argent qui part! Ah, oh, tout l'argent qui est parti. Oh, là, je viens. C'est comme si je venais de couper un 10$ en deux. fait que là, ce Goomba-là. Et sûrement, a sûrement des skills. Il est malade. Il est malade, hein? Regarde, il y a des gros pieds, puis il y a une petite tétine sus en dessous, ouais. Là, que quand tu appuies dessus, ça colle. Et là, attention. Oh. Peut-être que la est sec un peu. Ouais, les ressorts sont secs. C'est la tétine est un peu sec. Mais quand même. Attention. Ah! Oh. Ça saute. Il est supposé sauter. C'est ça, ça qui arrive quand t'as les tétines secs, c'est... Quand t'as les tétines secs, tu sautes pas. Ah, ça peut pas marcher. Je suis pas capable de... C'est vrai qu'il faut lécher la tétine. Attends, je vais y mettre la barre. Non, mais c'est vrai. Ça marche. Ah oui. Fait qu'on recommence. Ah, il fait un backflip. Il fait un backflip, mais il reste pas collé. T'sais, de la minute que je le lâche, il flippe. Alors, c'est assez incroyable ce qui se passe ici, mesdames et messieurs. Ça va sur TikTok, cet extrait-là. On va faire tellement de views. S'il y avait des gens qui nous écoutent qu'en audio, là, vous allez savoir que... On a un mini Goomba qui a fait les trois quarts de backflip. Exact. Fait que c'est assez fou. Et puis, on haït tous les Goombas dans Mario quand ils se mettent à sauter de même tout le temps. Ouais, hein? Ouais, ils sautent d'en face. Fait que, ils font rien d'autre. Anyway, ils font juste sauter dans Mario. C'est bien connu. Alors, juste des gros pieds. Puis... Ah oui. Alors, cette chose va aller sur mes tablettes avec mes autres petits personnages. Là, attends, j'avais ça. Ah, c'est vrai, ça a un prix, ça. Tu m'as donné 5$. Donc, maintenant, maintenant, il est déballé, il vaut 5$. Il est déballé, il vaut 5$. Ou je sais pas trop, là, au cost, on l'a évalué à 5$. Puis moi, je paye les jeux au cost quand je les ramène chez nous, quand je pige dans le rachat. Fait que voilà. C'était très excitant. Et puis, peut-être que je peux vendre le sealed. Juste le sac. Le sac. Juste à couper. 5$ sur eBay, 20$ de shipping. Bon, là, on s'en va... comme par magie dans l'univers Atari avec Alien Abduction. Ça vaut 88$. Parce que je l'ai acheté sur Amazon, en fait. Fait que, c'est badass comme pochette, ça. Ah, c'est malade. Avec la livraison et tout, ça m'est revenu précisément à 88$ là, ou 87$ et des poussières. Et puis, c'est un jeu fait par John Van Ryzen. Et puis, si vous ne connaissez pas ce héros, c'est parce que... Je voulais même pas dire ça. C'est lui qui a programmé le jeu Hero sur Atari 2600, qui est considéré l'un des meilleurs jeux de la console. Mais pas le gameplay tout de suite. Non, j'attends. Et puis, voilà, Hero sur Atari 2600 et aussi sur ColecoVision. C'est absolument excellent. Comme c'est très complet là, pour la pauvre Atari. Là. Moi, à l'époque, j'étais comme, waouh, on peut avoir une si grande aventure sur un Atari 2600. Et puis, ça, c'est publié par Audacity Games. Et puis ça, Audacity Games, c'est la compagnie de David Crane, okay. L'homme derrière Pitfall et Absolute, le publisher Absolute, qui ont fait des jeux de l'Atari jusqu'à... Je pense qu'ils sont rendus jusqu'à 64. Pas des jeux très trippants, là, m'a dire, là, tu sais, ben, des Battle Tank rendus là, des affaires de même. Mais ils ont fait sur Atari Skateboarding, puis tout. Puis il y a un autre dude avec David Crane. C'est une autre légende là, de Atari. Là, dans le chat, là, pouvez-vous googler, s'il vous plaît, Audacity Games. L'autre personne aussi est une personne qui a programmé beaucoup de jeux chez Atari. Fait que c'est deux grosses vedettes là, de l'époque Atari qui ont fait leur chemin avec Absolute. Puis là, qui se sont remis ensemble il n'y a pas longtemps pour publish et faire des jeux. Et puis, ils ont fait le Circus Convoy. Que vous avez vu, si vous me suivez, j'ai publié ça, puis ça fait déjà un an ou deux, là, je sais pas quoi, qui était excellent. Fait qu'il utilise, il n'y a pas de niaisage, c'est la vraie affaire, c'est le vrai hardware, c'est une vraie cassette Atari, puis ça marche sur l'Atari, puis ça n'a pas plus de force, ou de, ça n'a pas de tricherie. Ouais. Ils utilisent juste tout leur master cerveau à cette heure pour être capable d'exploiter 100% de tout ce qu'il y a là-dedans. Là, t'sais. Bonsoir, Galgator. Yo! Et puis, ouais, tu peux même y jouer comme Jimmy dit dans ton Atari 2600 en plus. Ben ouais. Fait que là, c'est rendu là, tellement beau de jouer à l'Atari. Ah, hey, c'est fou, là. T'as des nouveaux jeux qui sortent par des légendes, puis tu joues sur un système HDMI, man, qui est c'est parfait. Malade. Fait qu'on va unboxer ça pour regarder qu'est-ce qu'il y a là. Regardez le nom, là. John Van Ryzen. Là. Fun fact de lutte pour toi, Dom, pendant que tu déballes ça. Triple H à la WCW à l'époque s'appelait Terra Ryzen. Ok. Fait que terrorisant, là, un peu, là. Ah, oh, Terrorizing! Hey, c'est malade. Je sais pas si c'est écrivait de même, mais en tout cas, il a eu commencé avec ça, puis ce gars-là run la lutte à cette heure. C'est vrai. Hey, là, j'y vais très doucement, vous le voyez pas. Je mets du gameplay pendant que tu y vas doucement. Oui, mets du gameplay, tiens. Parce que c'est très serré et très sec. Check le beau gameplay, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que là, C'est comme Hero, ça, mesdames et messieurs. Les murs qui clignotent, faut pas que tu y touches. Puis tu mets des dynamites pour descendre, puis monter, puis aller chercher. Là, on voit la petite fille en bas, là, ou la chose, là, qui est... La chose. Qui est mal pris. Tu vois, là, c'est Hero, ça. Ça, c'est Hero sur Atari 2600. Peut-être que t'as pris un gameplay qui font des comparatifs. Ça se peut, là. Bon, ça, ça fait... Ah, je suis dans l'intro, là, ils doivent parler, là, probablement, en arrière, là. Ah, ouais, c'est ça. Fait que là, ils montrent. Ah, tiens, c'est ça. Ah, j'avance un petit peu, là. Ils expliquent la ressemblance entre les deux jeux. T'avais intro, ouais. Le gameplay de Titan. Une tête de mort là, qui se promène. C'est bien. Oui, oui, non, c'est très bien pour vrai. Pour un jeu Atari, là. Fait qu'on peut revenir à la caméra. Voilà. Hey, là, c'est du ça, c'est du carton très mince. Hein? C'est pas comme à l'époque, là. Alors, c'est ouvert. OK. Il y a 50$ qui viennent partir direct là de la valeur. Là. Ah ouais, facile. Donc, t'as une super belle et propre cartouche comme ça. Qui fait un rappel aux cartouches Activision de l'époque. Ces gars-là ont travaillé pour Activision, bien sûr, au départ. Ouais. Ça paraît, là. Ça paraît, là. Fait que ça, c'est carrément une cartouche Activision. Hey, c'est nœud, là. C'est shiny, shiny, shiny. Oui, c'est rare, on voit ça. Et puis, t'as un livret d'instructions comme ça. Tu vois, souci du détail, là. Je trouve les cassettes, là, c'est... Wow. Exact. Et puis, attendez, peut-être qu'il l'a là-dedans... Ah, puis là, il te donne plein d'affaires. Là, tu peux inscrire ton jeu en ligne avec un code pour être dans le board des propriétaires. Des meilleures notes, des meilleurs scores, puis toute la patente. Là. Avec ce QR code-là ici, ils font ça Audacity. Fait que voilà, un très beau petit livret qui va avec ça. Alors, tout ça est très beau, mesdames et messieurs. Alors, si vous voulez encourager des gens qui ont Atari à cœur et qui font des belles choses et que vous avez des belles consoles Atari, vous aimez jouer à ça, puis tout ça est fucking nice, ben, vous achetez ça. Les jeux de Audacity Games, il y en a juste deux. Achetez-les, puis Atari, les Homebrew, tout ça, c'est fantastique. Bravo, est-ce que c'est beau, Atari, maintenant. Ah... Une autre gorgée de bière, puis on s'en va en Super Nintendo, puis on va finir. Ah oui, ben oui, ok, on a déjà fini. Voilà. Ok. Là, j'ai une petite confidence. On a ici Acme. Acme Animation Factory. Ouais, le gameplay là-dessus est merveilleux. Ça vaut 20$, mesdames et messieurs. Pas si commun. Et puis, très beau, comme Mint, qui vient aussi... Ben, il y a une petite coche en arrière. Alors, vous comprendrez qu'il sera dans mes upgrades à faire. Tu peux mettre du gameplay, JF, pendant que je vais me confesser. Je pensais que j'avais ce jeu-là. Il était coché que je l'avais. Puis, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas. Alors, je vivais dans le mensonge. Ma liste qu'on montre à la fin, c'est tout un mensonge, ça. Il n'y avait rien de vrai là-dedans. Il me manquait un jeu. C'était faux! Fait que Félix dans le chat qui me demande si le full set doit être proche. Il l'est. Tu vas avoir le petit panneau à la fin. Fait que là, on regarde du gameplay de ce jeu. Ah, ça doit être un jeu là, de fabriquer des cartoons, genre de Mario Paint d'animation la main, cheap. Là. Ouais. Oh, ouais, c'est ça. Check. On va l'avancer un peu. Là. Ah, c'est ça. C'est un Mario Paint des pauvres. Alors, bravo. C'est juste avec la souris? Ou c'est... Non. C'est avec ta grosse manette, mon ami. Ça doit être l'enfer jouer à ça. Oui. On devrait jouer au prochain WEG. Fait que, ouais, on jouera là si on est assez buzzé. Qui fait le plus beau dessin? Fait que ça, c'en était un. Tu peux fermer ça, ce gameplay-là. Ah, ben, il y a des choses quand même. Ah, quand même. C'est intéressant. C'est intéressant. Prochain jeu. Demolition Man. Je sais pas ce prix-là. Le grand film. C'est le même prix. De Sylvester Stallone et Wesley Snipes. Quel grand film. Puis là, sa boîte, c'est la même cover que le film. Mais là, ici, sa cassette, c'est cette drôle d'image d'un homme blanc sur fond noir dans un rond blanc. On sait pas trop. Et puis, publié par Acclaim, probablement développé par eux aussi. Alors, on comprendra que c'est sûrement de la dompe épouvantable. Et puis, il y a une petite, ici, sur le dessus, là, il y a une petite imperfection. Là. Alors, il est lui aussi dans mes upgrades à faire. Mais pour vrai, ce jeu-là, je l'avais déjà vu une couple de fois dans Nature. Tu peux mettre du gameplay si tu veux. Et puis, c'est le plus beau que j'ai vu à date. Hey, c'est beau comme gameplay, ça. Hey, ça a l'air pas si pire. Ouais, je regardais, ça avait l'air cool pour vrai. Là. On dirait True Lies. C'est vrai, ça ressemble à True Lies. True Lies, c'est vraiment bon, là. Fait que le modèle des jeux d'action de ces années-là. Absolument. Genre de vue top-down Un shooter top-down, là. Ah ben, Colin. Kiss. Ouais, je vais dire Twin Stick, c'est pas Twin Stick, là, mais ouais, non, mais... top-down gun, là. Ça va mériter un essai, ça. Ah ouais? Je m'attendais pas à ça du tout. Ça mériterait peut-être une critique, d'après moi, là. Si... ben, peut-être, là. Si je trouve le courage. Ah oh, ouais, il y a ça. S'il y a du monde qui ont déjà joué à ça dans le chat, manifestez-vous. Alors, j'ai trouvé ce jeu, vu que je suis à la fin et qu'il m'en manque très peu. Oui, comme Félix dit, le style Zombies Ain't My Neighbors, un peu. J'ai acheté ce jeu-là d'une boutique à Barrie, en Ontario, de mon ami... Ah, je suis fatigué. La démence. Bobby. Bobby. De Retro Game Chase. Bobby, qui est un Ontarien très cool, avec qui on a des affinités. Et puis, vu qu'il... Tu sais, je veux pas, moi... Tu sais, eux autres, ils ont pas de site web, ils ont pas d'inventaire, wow, ouais, tu sais. Fait qu'ils montrent des photos, mais il faut vraiment que tu ailles sur place, là, tu sais. Puis, je veux pas faire chier ces gens-là en leur envoyant une liste de mes 30 missings, là, tu sais. Ah, y a-tu ces jeux-là, là? Faut qu'ils checkent, tu sais, puis qu'ils me fassent un prix, tu sais. Moi, je fais pas chier le monde, je sais que ça fait chier les affaires-là. Mais là, vu qu'il m'en reste, genre, très peu, là, genre en bas de 10, tu sais, ouais, là, ouais, je me permets, tu sais, t'en as-tu un là-dedans? Puis, il y avait celui-là. Fait qu'il me l'a envoyé, puis, je suis bien content. Zombie Milter dans le chat qui dit que c'est pas pire, mais il a pas joué ça depuis 25 ans. Alors, on verra bien si ta mémoire a raison ou non. Je checkerai dans mes vacances si j'ai pas, je trouve pas de ceux qui te manquent, mettons, pendant que je suis là. Dans, chez vous, ça? Non, non, ben, je m'en vais à Vegas, fait qu'il y a un magasin de rétro dans ce coin-là. On sait pas, les Américains. Là, ah oui, si jamais tu vas à un magasin de jeux à Vegas, tu m'enverras des photos. on termine avec Sterling Sharp End-to-End. Ça vaut 30$. Bizarrement. C'est très bizarrement. C'est un jeu de football publié par Jaleco. Je sais pas Jaleco. Si c'est... Jaleco. Je sais pas si c'est développé par eux. Puis ça, j'ai pris ça au Griffon Bleu. Ah ouais? À Gatineau. Ouais, ouais. Parce qu'avant d'aller acheter l'eau à Gatineau, on est allé à la boutique Griffon Bleu pour aller voir. On est aussi allé à Ottawa au Games Etera. OK. M'a de dire, c'était pas impressionnant. OK. Tu sais, Ottawa, c'est juste ça, leur boutique, man. Ils sont pas grayés, là. C'est un marché à conquérir, ça. Ben oui. Pour vrai, là, vas-y. C'était. Ça faisait pas. Ottawa MTL, non, ça marche pas. Rétro Ottawa. Rétro OTT. Rétro OTT, ouais. Rétro Hot. C'est ça, je me demande, hein, si jamais on ouvre dans d'autres villes, et c'est totalement quelque chose que j'aimerais faire. On peut pas changer de nom à chaque ville non plus, là, tu sais. Je pense que ça dépend. Ouais. Tu veux y tirer plus franchisé, mettons, là? Ouais, genre, ou je pense que ça dépend. Tu gardes le nom, peut-être. Je sais pas. Ouais, ouais. Mais en tout cas, on n'est pas rendu là, mais bref, on est allé à ces deux places-là. Puis il y avait ça au Griffon Bleu. Et puis, c'est drôle comme nom, hein, pareil, Griffon Bleu. Oui. J'aime pas tant que ça. Sterling Sharp aussi, c'est drôle comme nom. Hein. Oui, je sais même pas ce que ça veut dire. Toi, tu connais ça, le sport? Ouais, mais pas le football, par exemple. C'est pas un sport que j'écoute beaucoup, là. Ben, écoute. Fait que le back est beau, le front, en enlevant les très gros collants qu'il y avait dessus, j'ai pas réussi à le sauver parfaitement. Il y a des petites coches. Fait que tu peux mettre du gameplay. Ouais, check bien ça quand c'est hot. En plus, là, garde bien dans le milieu, là, il y a le logo de Jaleco direct dans le milieu du terrain. Mm-hmm. Non, c'est bien fait, c'est bien fait. Là, ici, on voit Détroit qui se font scorer. Un 80 verges direct, là. Fait que je sais pas si c'est bon, mais c'est définitivement pas un jeu commun, ça, je vous le dis. Ça semble un classique, genre Madden, là, de choisir ton jeu, puis après ça... Ah, totalement. De réaliser, ouais. Mais je trouve qu'il y a de l'air léger, quand même. Ouais, ouais, ouais. Au regard, là, il fait un peu plus arcadesque, on dirait. C'est vrai, t'as raison. Fait que s'il y a des gens qui ont joué à ça dans le chat, dites-nous si c'est bon. Fait que voilà. Alors, ça conclut le collectionnage aujourd'hui. Pour ce qui reste... dans les dans le full set Super NES. T'as-tu mon petit panneau pas loin? Ah oui. C'est ton panneau. Alors, on a barré trois autres jeux. Fait qu'il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Attends un peu. 5, 6, 7, 8, 9. Il me manque 9 jeux. Je suis pas vite. Je suis à 712 sur 721. C'est malade. Et là-dedans, je ne compte pas le jeu qui contient deux jeux qui vaut 5000$. Peut-être je vais le compter si un jour je l'acquiers, mais là, pour des fins pratiques, je ne le compte pas. Fait que, puis tous les jeux qui restent là, le Rocky and Bullwinkle, il y en avait un au Griffon Bleu. Il était très endommagé quand même. Ah ouais. Alors, mais ça, c'est commun. Là, ça, c'est pas un problème. Lamborghini, déjà vu. Redline, ça, man, je sais pas. Tu vois, Redline, le petit logo, ouais. La petite pyramide, Absolute. Ouais. Donc, c'est les gens de Audacity qui ont fait ça. Tout est dans tout. Syndicate à 200$ va être le plus cher, mais il n'est pas le plus rare non plus. Pour vrai, le plus rare là-dedans, moi, Pack in Time, je ne l'ai jamais vu. Oh, No Escape, j'ai vu une fois. Le jeu de soccer head-on, ça me dit rien. Ça doit pas être si pire que ça. Mais pour vrai, Pack in Time, pas évident. Là. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça non plus. Ouais. Huh. Fait que, voilà. On revient en caméra. J'étais soufflé. Ouh. Fait qu'on va être rendu à aller aux questions du public. Oui, d'ailleurs, on a eu vos commentaires pour la musique qui loupe après une minute de questions du public. Là, on l'aura pas ce soir. Prochain coup, on va la laisser comme une run, puis après ça, on mettra d'autres choses au bout, là, juste pour oui, parce que le monde ne devienne pas fourré en nous écoutant là, avec la même musique de background. Là. Totalement, parce que moi, quand j'ai dit on devrait mettre cette toune-là, c'était dans le but que le segment dure 20-25 minutes. Ouais, mettons, là. Puis là, on s'est rendu compte que ça dure une heure facile. Là, on s'est rendu la moitié du show, c'est les questions du public maintenant. Là, fait que c'est ça. Exact. On va réajuster, mais là, on va rester sur l'excellente soundtrack numéro 1 du Chac à cassette. Qui se termine dans 18 minutes. On va mettre la deuxième après. Exactement, exactement. C'est du live, du gros live. Fait que comme ça, ça sera pas lourd. Alors, merci pour le commentaire, vous avez bien raison. Donc. On s'en rend pas compte pendant qu'on parle que c'est la même musique qui joue en arrière sans arrêt. Là, c'est... Question du public sur Instagram, parce qu'on répond aussi à Instagram et on n'en a qu'une seule. Ouais, le hockey est fini, là. Okay. Et c'est encore Tom Fresh Duff. Yes. Vu que le hockey est fini. Il y a l'exclusivité d'Instagram, par contre. Oui, il est là. Man, c'est le first print d'Instagram toujours. Et puis, il nous demande à quand une vidéo avec comme invité Fred ou Bruno ou les deux. Ben écoute là, Fred vient d'avoir son deuxième enfant là, avec Fanny, donc avec Fanny pas ouais. Ouais, mais surtout Fanny a eu son deuxième enfant avec Fred plutôt là. Fait que pas tout de suite, j'ai l'impression là, Fred est un petit peu occupé là, deux enfants, un enfant à bas âge plus un bébé là, récent, fait que... exact, mais j'ai entendu Fred dans un de ses derniers podcasts qui avait comme une idée là, je sais pas si t'en as parlé de bâtir de quoi, comme que le hub serait comme un channel un peu plus, où est-ce qu'il y aurait des gens qui feraient des chroniques, tout ça. Okay. Fait que j'imagine qu'il va avoir besoin d'un peu de temps, mais je trouvais ça très intriguant. Ah, c'est intéressant. J'ai hâte de voir s'il va aller de l'avant. Mais pour vrai, tu sais, bien sûr, j'adore les gars, puis il n'y a pas de chicane, là. Mais j'ai comme envie d'explorer plus. On l'a fait longtemps aussi, là, les mêmes invités hein, qu'on a rendu là. C'est ça. Fait que je comprends que le monde s'ennuie un peu, puis Félix dans le chat en parlait tantôt aussi. Ouais, mais puis oui, nous autres aussi, d'une certaine façon. Mais d'un autre côté, là, je me sens ailleurs, tu sais. Puis c'est comme revenir avec ton ex, tu sais. Ah ouais, yes. Là, c'est comme, on est comme ailleurs, tu sais. Peut-être qu'on peut refourrer une fois de temps en temps, mais là, il est trop tôt. Fait que... Oui, Blastman, j'avais acheté Circus Convoy sur Atari. Oui, Cyclone dans le chat, que je connais pas. Je pense que c'est la première fois que je le vois. Fred a deux enfants maintenant, la vasectomie approche. Ça se pourrait bien. Ça se pourrait. Bon, ça se pourrait, on va être rendu là. Fait que ça va venir un moment donné, I guess, là, mais Bruno, il est bien relax, je pense, puis ça lui fait du bien d'avoir décroché de tout ça. Ouais, ça a été longtemps, là aussi, Bruno, à faire autant de critiques, mais là, ça, pas qu'il donne pas de nouvelles, mais il fait ses affaires pour l'instant, puis c'est bien correct, là. Absolument. Fait que on les laisse aller, puis on dérange pas. La porte est toujours ouverte, comme on voit là, mais elle est toujours ouverte, anyway, s'ils veulent venir... Nous jaser ça, là. Ben oui, mais en même temps, je reach pas non plus. Moi non parce plus, que là, j'ai pour les inviter ici, parce que j'ai envie d'explorer un peu. Tu sais, Giz, ça fait très longtemps que je voulais faire de quoi, là. Fait que là, c'est fait. Fait que là, je me cherche des idées d'autres entrepreneurs. Je sais pas, là, ça va venir. Mais, ah, puis on est genre dans d'autres choses aussi, là. On parle du décor, on parle de ça. On fait un épisode spécial Garden Party, d'autres affaires à parler, là, puis à regarder, là. Exact. Fait qu'on les on les appellera comme bouche-trou un moment donné. Alors, question Facebook maintenant. Stéphane Beaumier, si Marcel représentait le public, quelle question lui poseriez-vous? C'est qui Marcel? Ben, il veut qu'on s'adresse au public avec le nom Marcel. Donc, on vise tout le public qui nous écoute en l'appelant Marcel. C'est ce qu'il dit. Fait que, question pour le public que nous, on donnerait au public, dans le fond, là. Ah ouais, hein? Dans le fond. Genre, Marcel, pourquoi tu nous écoutes? Genre, mettons, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux entendre? Je sais pas trop, mettons. C'est là. Bien drôle, ça. Ouais, c'est une question. Je connaissais pas cette façon de dire... Moi non plus, mais dans le fond, il veut qu'on pose une question à notre public, cher public. Oh. C'est rare qu'on se fait poser, qu'on se fait mettre sous la sellette comme ça pour poser une question aux autres. Là. Absolument. Ben, tu sais, moi, j'aurais... Moi, quand je jase avec des amis, moi, j'aime beaucoup ça, jaser. Tu sais, mettons, on va chez des gens, moi, je peux jaser. On s'assoit à table, on boit de la bière, on jase pendant 4 heures, puis moi, j'adore ça. Bon, tu sais, moi, j'ai un livre ouvert, tu sais, puis ça m'intéresse les livres de tout le monde. Puis là, je vieillis, puis je me pose des questions sur la vie, puis tout. Puis justement, j'étais à vélo tantôt, puis je me demandais... Tu sais, quand j'étais jeune, là, j'étais comme, mettons, je trippais sur le skate, je skatais, là, pis tout. Pis yeah, là, je voyais ça big, pis c'était ma vie, pis la musique, pis là, le punk, pis Suicidal Tendencies, pis après ça, les pop, le snoop, ça, c'était cool. Pis à ce temps, j'ai comme pu cet émerveillement-là sur les choses. Là, est-ce que c'est parce que les choses ne sont plus merveilleuses? Ou c'est juste moi qui ai rendu gris, de plus en plus gris en dedans? Je sais pas si c'est parce que t'es gris, c'est parce qu'on est tellement loadé qu'on a moins le temps de s'attarder à des nouvelles affaires, découvrir des nouveaux trucs, tu sais, ou s'investir dans quelque chose autre que, mettons, pour le gaming, pour toi. Ben, le temps manque aussi, mon la famille, le travail, tu sais, c'est un peu ça, là, aussi, là. Exact. Puis, bon, c'est les responsabilités, ouais, il y a beaucoup de ça, là, tu sais. C'est énormément de ça, les responsabilités, en fait, tu sais. Je veux dire, on a plein de choses à faire tout le temps. Là. Ah, puis on dit souvent que les gens qui vont... pas en fin de vie, là, mais qui se rapproche. Plus on vieillit, plus on retombe en enfance un peu. Là. Mais je pense qu'on va pas venir pogner ce genre de volet-là où est-ce qu'on va retriper sur un paquet d'affaires puis d'autres. Ah, je suis d'accord. Varier nos trucs, là, ça se peut. Là. Je suis allé chez mes parents dimanche. Puis tu sais, ma mère, elle, et mes parents sont comme « Oh, nos fleurs! Oh, oh! Nos... C'était l'affaire à TV. » Moi, je suis comme « Mais on se tire, c'est encore lisse, ça, t'sais. » Mais bon, c'est pas... Tu sais, c'est des sujets, ils sont comme... Ils ont rien. Ouais, ils ont pas de tracas, tu sais, outre que les bouts de santé, là. Ça doit être ça. Parce que nous autres, OK, le plus vieux, il se lève tard, le plus jeune, OK, il est à la maison. La business, pas d'argent, l'appartement, il faut le louer. Man, je dors mal, j'ai tellement de tracas présentement. Là. Mais tu sais, mes parents, au souper, je les écoute. Ah, oh, on écoute telle affaire, le tennis. Je suis comme, Chris, votre temps, ils sont en retraite, là, mais votre temps, il est où? Mais c'est ça, là. Ah non, c'est ça. Dans le genre, la clique du plateau t'a brûlé. Ouais, je suis trop... Fertile Author qui dit « Le gris est une belle couleur. Sans être excitante, elle ne nous gosse jamais. » C'est joliment dit, ça. C'est bien beau. Bravo, Fertile Author. Blasman qui demande si t'as fini les rénaux en haut. C'est aujourd'hui. Là, je vais pas partir là-dessus pendant des heures, là, mais là, tout est fini. Ben, l'électricien doit venir finir deux, trois trucs. Mais il y a la fucking porte de douche qui ne fit pas dans le trou, finalement. Ah. Puis là, je deal avec le fournisseur de la porte. Là, je deal avec mon entrepreneur. Puis là, moi, j'avais engagé une compagnie pour venir installer la porte sous les bons conseils de mon entrepreneur. Puis là, comme tout le monde pitche la balle ou essaye de m'éviter, puis moi, je suis pris là-dedans. Fait que c'est mon petit cauchemar de présentement. Mais en tout cas, man, fait qu'il reste juste ça. Mais pour vrai, là, je suis tanné. Puis tu sais, je parlais au début du show de Gun, la construction. Tu sais, encore une fois, je veux pas les mettre toutes dans le même panier, mais ils font des commentaires là, tellement désobligeants, tu sais, comme sexistes, là, tu sais. Comme s'ils s'en rendaient pas compte. Des commentaires sur, genre, les hommes qui peuvent se maquiller puis les trans, alors qu'ils me demandent juste où est-ce qu'on veut mettre, tu sais, l'évier de la salle de bain avec une lumière au-dessus pour voir le maquillage. Puis là, ils passent sur une chire des hommes puis tout ça. Puis tu sais, moi, mon petit gars, il se maquille, là. Puis je suis pas sûr, tu sais, que je sais pas qu'est-ce qu'il est, là, tu sais, ou qu'est-ce qu'il va être, ou whatever. Mais mon petit gars est carrément ça, là. Il se maquille. Bon, il était sûrement maquillé alors que lui, il était en train de me dire que les gars se maquillent à cette heure. Fait que c'est débile. Cas, man. Bref, en tout cas, fait que, c'est ça. Les Renault, ça avance, ça achève. J'étais curé, puis ça prend une grosse partie long, de ma tête présentement. C'est clair, ça. Fait que c'est ça que je poserais comme, pour revenir à ça. Qu'est-ce que la question pose aux gens? Est-ce que en vieillissant, tu sais, les gens dans la quarantaine, là, êtes-vous... Comment vous sentez-vous? T'sais? Êtes-vous bien? Êtes-vous stressé que la vie achève? C'est quoi votre situation? Moi, j'aimerais ça. J'ai une grosse table ronde avec tous les auditeurs, tous les Patreons, puis on parlerait de ça. Toi, JF, ça serait ça, quoi? Ça se ferait tout ça, d'ailleurs, via Discord, mettons, on peut faire rentrer une personne à la fois pour jaser. Il y aurait possibilité avec de faire ça. Avec du monde qui parle. Quelqu'un qui serait live à l'écran, qui nous parlerait, on l'entendrait, on pourrait y répondre, puis on le flush, on passe à quelqu'un d'autre. T'sais. Ah oui, c'est vrai. Ça se ferait. C'est intéressant. Ça. On pourrait avoir un gros get-together avec nos Patreons. Ça se ferait effectivement sur le hub. On est prêt pour ça déjà. Fred l'a fait avec Mario Lauvois, en fait, pour un des podcasts. Là. Ah oui, oui, oui. Fait que, techniquement, on est prêt à faire ça. Là. OK, OK. Ben, tu vois, plein de projets possibles. Ben oui, ben oui. Hein? Ce qu'ils viennent de dire là, moi, c'est ce qui m'angoisse le plus dans ma vie. Il y a Cyclone qui dit « Pensez-vous avoir parcouru plus de 50% de votre vie? » Je pense que oui, ouais. Malheureusement. Ben, là, on peut se rendre en... Moi, j'ai 44. Je peux me rendre en 88. J'ai 41. Là. Je peux me rendre à 82 et je peux aussi mourir à 65. C'est ça qui me fait peur, en fait. Là. C'est, j'ai des oncles qui sont décédés tôt, comme weird, là, genre de cancer. Le cancer m'effraie là, ouais. Totalement. Là. Ouais. Puis, genre, je vois pas chez le docteur à cause de ça, quasiment. Là. Ouais, rien que pour être sûr, pas se faire annoncer une mauvaise. C'est ça. Là. Chaque fois que j'ai un bouton weird, je suis comme oh, « fuck, là, genre, je vais mourir. » Ben, comme Simon Lahaye dit dans le chat, « Check Joe Biden, par contre. » Ouais, c'est ça. Tu sais, comme tu peux toffer longtemps, là. Moi, mes parents, ils fument, stie, depuis qu'ils ont 13 ans. Ils sont fous. Ça va très bien. Il n'y a aucun problème. Je pense que le corps vieillit, mais je pense qu'on doit maganer le corps pour qu'il toffe, sinon... Ben, moi, c'est le corps qui me bug là, de plus en plus. J'ai des bobos, puis des problèmes, puis la dent, stie, puis la patte, puis le dos, puis mes bras qui engourdissent. Je suis comme tabarnak, stie. J'avais prévu, moi, à 50 ans, faire des pirouettes, puis travailler, aller faire visiter le monde, stie, puis j'ai de la misère à le faire. Là. En tout cas, man, c'est... C'est tough. Ouais, moi, c'est pas tant le corps. C'est plus la tête que le corps, là, je dirais, que je trouve ça weird et difficile de vieillir. Là. C'est... Plus ça va, plus ça vieillit lourd mentalement. Là, tout ça, là, c'est... Ouais. Fait ben, faut, moi faut aussi. Trouver, pas une porte de sortie, là, mais comme faut se raccrocher à, au... Con à dire, là, mais au jour le jour, là, souvent. Là, ce qui est, j'ai bien de la misère à faire aussi. Là. Ah, oui, puis on se trouve des trucs aussi. Puis tu sais, moi, ma fucking porte de douche, tu sais, comme... À une certaine époque où il y a... J'aurais, puis il y a peut-être du monde qui sont de même, tu sais, comme tu te mets tout de suite à paniquer, c'est comme, ah, oh, c'est tabarnak, qu'est-ce qu'on va faire? Là, moi, tout de suite, dans ma tête, j'étais en mode solution. C'est comme, OK, je vais envoyer la balle à ce gars-là, on va y parler. Si ça va pas, ça va être ça. Sinon, on peut aller voir au Home Depot. Puis, sinon, si ça marche pas, ben, fuck it, on va mettre un rideau. Et puis, cette porte-là, on peut la vendre sur Kijiji, au pire, parce qu'on peut pas la retourner, tu sais. Puis là, je me calme avec des affaires de même. Puis, je m'auto-calme avec, en me disant des choses, genre, la business va mal, là, si on a le bord de fermer. Ah ben, Christian vend tout, au moins on perd pas d'argent, je me sors de là, puis ça sera un tracas de moins dans ma vie. T'sais, puis bref, je me trouve des issues pour me calmer. T'sais. Je suis l'inverse complètement de ça. Là. Moi, je suis direct sur le gun dès qu'il y a un mini problème. Puis le soir, je suis comme, asti que je t'épais, pourquoi je réagis de même tout le temps? Là? Ah, je me remets en question sur ce que là, mes manières d'agir ou de réagir tout le temps, là, constamment. Là. Ah, beaucoup d'introspection, beaucoup de... Ah oui? C'est ça, oh, ouais, beaucoup. Là. Beaucoup de doutes. Caroline, faut que tu fasses out de ça et que tu écoutes la télévision. J'en écoute plus du tout. La semaine passée, j'étais en vacances tout seul, j'en ai rien... Je sais pas ce que j'ai fait en semaine. Qu'est-ce que t'as fait? J'étais sur le divan, j'ai écouté la TV, j'ai écouté toute la saison 3 de C'est comme ça que je t'aime, qui était incroyable. Genre, ouais. Des affaires que j'étais en retard, là, mais j'ai rien fait. Préparer un peu le barbecue aussi, le podcast. Là, Ouais. Ah, il y a une question pour toi. On demande si j'ai écouté Forbidden Door. Non, je l'ai pas vu. J'ai vu des highlights. J'ai vu que Osprey contre... c'est quoi le nom de l'autre? En tout cas, il va être très bon. Ça va être un bon pay-per-view. Tortoc le barbare dans c'est le chat. C'est ce nom-là. 44 ans, puis c'est pareil comme vous. Même style d'affaires, la job, le cash, les travaux à maison, les kids grandissent, la job, le stress. Bref, vous tenez... Un filon pour un nouveau podcast, les gars, un genre de parler pour parler de d'autres dans la quarantaine. Ben, j'ai eu un podcast comme ça, moi, ça s'appelle La Jazette, puis on le fait pas parce qu'on est tous des gars dans la quarantaine occupés. Mais il sert à ça, ce podcast-là. Mais à la fin du dernier soirée du podcast, ça virait un peu Jazette de dire n'importe quoi, là. C'est... Ah, ben, tu viendras m'amener, là, on se fait facile. Un petit Jazette. Il y a des segments de Jazette dans ici ben, déjà ouais, pas ça. Mal. Hein. Bon, il faut finir, il faut continuer les questions. Rémi Chabot. Quel jeu avait l'air le fun en regardant la boîte et que finalement c'était pourri? Quelqu'un a répondu la bonne réponse dans les commentaires, le Bayou Billy. Yannick Bello a répondu Bayou Billy. Bonne réponse. Je me suis fait totalement piéger. Moi, c'est comme cette pochette-là m'était waouh! Tu sais, c'était mais dans malade. Ce temps-là, toutes les pochettes étaient incroyables par rapport au gameplay qu'il y avait en arrière. Là. Exact. Encore plus vrai à l'époque pré-NES avec l'intellivision, ouais. L'Atari. Tu sais, c'était comme waouh, man, ça explose. C'est edgy, pis tout. Finalement, c'est un carré qui rentre dans un rond. Pis... fait que ça, c'en est une. Toi, JF, t'as-tu une autre idée? Ben, c'est pas mal ça, là, aussi. Il n'est pas un précis, mais c'est dans ces eaux-là aussi. Là. Mm-hmm. On dit dans le chat, c'est pas pour rien que le monde s'arrête pas de fumer parce que vive plus vieux. Ils ont retenu qu'il fallait pas arrêter de fumer, dans le fond, dans le chat. C'est ça, ils ont retenu que tu peux fumer. Non, mais c'est vrai. Le père d'un de mes bons amis, gros fumeur, là, un paquet et demi par jour. Là, aujourd'hui, il pourrait peut-être plus se le permettre. Ouais, c'est ça, c'est le prix après ça. Là. Mais il était très vieux, puis il est mort dans un accident de camion. il est mort. Non, c'est pas ça. Pas ça que je voulais dire, mais dans la vie, tu sais pas. T'sais. C'est fait pas quand ça peut crâner. C'est sûr que c'est mieux de pas fumer et de pas manger gras, là. Mais ça veut pas dire que tu vas vivre jusqu'à 90. Non, tu peux juste prendre des efforts pour pas faire ça plus vite, là, tu sais, mettons. Là, mais... ouais, tu peux mettre des chances de ton bord. C'est ça, là. Il y a Simon qui dit Wizard and Warrior 2 avec Fabio. Ben moi je peux pas dire que je trouvais ça très hot la pochette avec Fabio là, c'est Fabio, même ouais. Pas du tout là, tu sais moi les avec les vrais humains ces pochettes là, c'est les pas vrais quelque chose. Humains. C'était dégueulasse. Nick Lachapelle, le gars de la balle molle. Connaissez-vous d'autres jeux avec une pochette par rapport style Phalanx au Super NES? Ah, ce qui les ramène dedans celle-là. Ben il y a un top 10 qui a été fait. Phalanx là. Qui est un bonhomme qui joue du banjo puis c'est un shmup là. Exact, le vieux bonhomme qui joue du banjo. Moi j'adore ça, je l'ai complet. C'est malade ça. Quelque part je voulais cette pochette là. Eh ouais, c'est carré. Mais il y a eu des articles là-dessus sur les pires pochettes de l'histoire. Là. Moi j'en ai pas d'autres en tête, mais il y a un jeu Game Boy Advance de char développé par Jarleco justement. Et puis, c'était un gars avec les cheveux mauves. Là. Ah oui! Full année 90. Ah, on l'a critiqué ce moment donné. On en a parlé à Rétro Nouveau. On a fait un top un moment donné des pires pochettes. Puis tout ça était dedans. Je pense que celui-là était dedans, ouais. Il était dedans. Mais c'est quoi le nom du jeu, par contre? Là? Ouais. Fait que. On s'en rappelle plus. Mais bref, tapez, faites des recherches sur Google, vous allez voir ça. Il y en a, là. Puis c'est pas mal tout le temps les 10-15 même. Là, ouais, t'sais. Ouais. Jean-François Joly. À quel point tu aimes ta cour chez vous en béton, pas de gazon à tondre? Béton! Si tu savais, JF, joli, comme j'aime ça. Ouais. Pas d'hostie de gazon à tondre. C'est merveilleux. Par contre, mes dalles, ils salissent pas mal. Là. Faudrait que je les clean à hausse à pression. Mais moi, c'est le fun, par exemple. Ah, c'est plaisant. Mais moi, j'ai pas de gazon à tondre. Je passe le balai, ça me convient parfaitement. C'est nice. J'aime tellement ça. Moi, c'est le balai, c'est tout. Et puis, mais j'ai bien des arbres, puis ça rajoute de la marde partout. Et puis, il y a des feuilles, puis là, quand les arbres veulent se reproduire, là, des samores. Ouais, ouais, ouais. Les hélicoptères, là. Il y en a partout, partout, partout, partout. Montrez ça à mon gars cette semaine, il en revenait pas. C'est malade, hein. Je suis comme, check ça. Il comme, hein, tu veux ça? Hein? C'est des beaux apprentissages. Des fois, ouais. les vraies affaires, là. Apprentissage de vacances, là. Passe la tondeuse sur le béton quand les voisins sont sur la terrasse que Tony Biz, il dit. Je m'ennuierais pas de gazon, par contre. Ouais, ben toi, c'est fait de même, tu sais. Mais moi, ma cour, j'ai pas une grande cour ouais, là, ça, de mon triplex à Montréal, aussi, là, tu sais. J'aurais eu si peu de gazon que tant qu'à y être, j'ai tout bétonné. Puis au lieu de ça, on met des bacs avec des plantes puis tout ouais, ça. Ouais. Chaque année, on s'achète un beau palmier. Ben, tu sais, pas. Ben, tu sais, feuilles de palmier, là. Ça coûte 20$, man. Parfait, ça. Puis ça meurt. À un moment donné, je l'avais rentré dans la maison pour le toffer tout l'hiver. Je l'ai sorti, ça a marché. Mais ça prenait beaucoup de place. Oh. Fait que là, quand j'ai appris que. Bon, ça pas coûte juste 20$, quand on laisse ça au compost, puis m'en achète un autre, puis je libère ma maison. Mais j'aime beaucoup que ma blonde aime les fleurs. Elle en achète ouais, ouais. plein, elle en met partout, tu sais. Puis on a des plantes. J'aime la verdure. Ça me plaît, là. Alex Neveu, comment as-tu aimé ta soirée de repêchage chez JF? Ben, on a parlé tantôt. Hein? T'as bien plaisant. T'as bien aimé mon setup barbecue, je pense aussi, qui était. Il y avait beaucoup de machines. C'est une maladie mentale, un peu, là. Mais ouais, je pourrais en avoir plus si j'avais plus de place, par contre. Là, Chris, qu'est-ce que t'aurais? Là, t'as ta plancha. J'ai la plancha, j'ai un barbecue granule électrique. Fait que tu mets les granules, puis tu le check pas, là, puis il tient sans température tout seul. Très pratique quand c'est long puis tu travailles là. Ouais. Je n'ai un au charbon, j'ai un kettle là, Weber là, un rond là. Un genre de non, ça c'est un Big Green Egg que tu parles, je pense, ouais. C'est ça autre chose là. Puis j'ai un double qui est un barbecue au gaz, propane, puis l'autre c'est un offset, fait que t'as une boîte à feu sur le côté. Ouais. Que tu mets des bûches puis ça c'est juste de la chaleur de la fumée qui monte là. Il a pas été utilisé par exemple pendant le repêchage. Pour autre chose, il va être utilisé. C'est ce qui goûte le mieux, d'après moi. Là. Ah ouais. Hein. C'était écœurant. Puis t'as même un petit truc à feu de camp. Ouais, ouais, j'ai un petit foyer là, en à côté. Là, qui que brûle. T'as allumé demain pour le feu. Ils ont fait un petit feu. Je pensais à ton deux. Mets un feu. Genre, j'ai du bois brûlé, j'en avais beaucoup. Là. Ma mère s'est débarrassée du sien, fait que j'avais plein de bois brûlé. Je sais pas, faire un petit feu sur le site. Ben, je pensais qu'on pre-gamerait, mais vous avez été pris dans le trafic. Fait que ça on n'a pas eu le temps, c'est ça. J'ai pre-gamé avec ma lettre dehors sur le bord du feu, puis ça a été ça. Là. Il manque le four à pizza, ça s'en vient. J'ai un adapteur sur mon charbon pour faire un four à pizza. Ah oui. Mais c'est de la job, un four à pizza au bois, là, qu'il faut que tu mettes ton bois et tout. Prends un petit honey, là, les petits genres de demi-four, oui. Là. Ben ça oui. S'en vient. Après ça, je vais être bien grillé dur. Ça va être correct après ça. Vas-y pendant que je change la musique. Là. Parfait. Benoît Landry, préfères-tu manette SNES avec piton mauve foncé, mauve pâle ou piton bleu, rouge, jaune, vert comme la manette de Super Famicom? Ben, il y a beaucoup de monde qui disent que la Super NES américaine, mauve de même, tout ça est une aberration. Mais moi, je trouve pas. Moi, je trouve ça propre. Ouais. J'aime ce mélange de gris, mauve et mauve pâle là. Je trouve que ça marche bien. C'est un beau... Ça brand bien l'objet, là, tu sais. Mm-hmm. Puis oui, la version Famicom avec les quatre couleurs, ben tu sais, c'est l'origine. C'était ça au Japon. Ouais, et ouais. Puis oui, la Super Famicom, c'est juste un petit bloc arrondi, propre. Puis ici, c'est un peu... T'sais, ils ont fait toute une affaire, là. C'est pas nécessaire. T'sais, on est pas, ouais. Comme pour nous impressionner, nous autres, les épais de l'Amérique, là, t'sais. Fait que c'est pas tant nécessaire, mais moi, j'aime bien là, le mauve. Je suis bien ouais, à l'aise avec ça. Là. J'ai grandi avec ça, puis c'est ça que j'aime, ouais, ça je trouve beau. Là. Mais je trouve ça beau aussi, les autres, là, t'sais. Mais non, j'irai avec ça. Retro Gamers fan dans le chat, un Steamers à hot dog aussi. Un Steamers à hot dog, ce serait cœur, hein. Quand... Ça prendrait minimalement le grille-pain hot dog avec la saucisse. Un hot diggity dog. Dans le bar, là, en bas. Là. Dans le bar. Là, hey, c'est ça, tu fais des hot dogs n'importe quand. Soirée du podcast, saison prochaine, hot dog live pendant que, que j'anime. Genre, je m'en fais un, mets du ketchup moutarde, du goût. Mais on avait loué, ben pas moi, là, mais je suis allé dans un méchoui de ruelle là, à Montréal. Là, clique du plateau, organiser un méchoui. Et puis, j'étais invité. Et puis, on a loué à la compagnie d'outils qui ont plein d'appareils, là, une machine de même, oh, ouais. Mais qui en tient beaucoup. Oh, okay, ouais. Est-ce que c'est hot, man, les pains, les saucisses, tu mets de l'eau, puis comme tu te pognes des steamers tant que tu veux. Là, ça prend le rack d'épicerie là, ou dans un dépanneur que les saucisses tournent pendant ouais. Comme deux semaines. Ça, je sais pas si Monsieur Neveu en a un là-dessus, parce qu'on va aller podcaster là si c'est le cas. Là. C'est vrai, hein? Je sais pas s'il y en a un. Au marché, Bonichou. Il va nous en faire chipper. Il va s'en acheter un pour quand on va venir. Il va leur chipper sur Amazon après. Yannick Bello, nous sommes en 1985 et on t'a dit que tu as l'opportunité de garder une seule de ces deux compagnies de développement NES. Laquelle choisis-tu? Ah, là, c'est ça, là. Sans, je savais qu'elle allait dire Konami ou Capcom. Ah, excusez, comme des... ça va être pas facile, ça-là. Là. Puis musique? Ah non, OK, il y avait... Toutes les... ouais, c'est très dur, tu sais. Toutes les Mega Man, tous les jeux de Disney, de Capcom, puis plein d'autres que j'ai bien aimés. Puis sinon, de Konami, ben, toutes les Castlevania, toutes les Turtles, tous les Contra. Ah, ils sont quasiment égales. Je pense que pour ce cas-là, je dirais sur un pile ou face, puis j'accepterai la décision. Là, c'est une égalité là, pour moi. Là. Absolument, absolument. Ben, moi, bien sûr, Castlevania pèse très fort dans la balance, là, mais de l'autre bord, je dirais plus Capcom, là, mettons, là, pour Megaman. Puis... Ouais, puis Megaman, il y a 6 aussi. Là. Puis tous les jeux de Disney sont Disney, vraiment ouais. Bons. Tu sais. Ouais. Konami, oui, ils ont des grands jeux, mais pas rien que. Tu sais, mettons Life Force. Gradius, correct, là, mais c'est un peu primitif. Life Force, c'est super dur, là, tu sais. Fait que non, tu sais. Mais d'un autre côté, il y a des late releases comme The Rescue Ranger. Ouais, c'est super bon, ce jeu-là. Monster in My Pocket. Tu sais, t'as des late releases de Konami qui sont vraiment ça coche. J'essaie de penser à des late releases de Capcom sur NES. Peut-être G.I. Joe, The Atlantis Factor, parce que le premier G.I. Joe, c'est Taxan. C'est pas Capcom. Taxan, c'est le meilleur jeu de Taxan. Le reste, de la don. Ben, Mappy Land, ouais. Magician, que j'ai jamais joué. Mais il est pas super hot, ce G.I. Joe-là. Contre Force, ça, c'est Konami, mais c'est pas bien bon. Ah, on dirait que je pense plus Konami, finalement. Ah. Mais bon, écoute, c'est très difficile. C'est pas facile. Stéphane Talbot. Parce que moi, je dis Talbot parce que je viens de la Beauce. Vous êtes projeté dans un jeu comme Capitaine Commando et de Capitaine Nintendo. Ah ouais. Et devez le terminer pour en sortir. Quel serait ce jeu? Ça, c'est la série là, weird, là, Capitaine Nintendo, hein, des années 80. Là, ouais. Avec un Simon Belmont vraiment colon là, qui se regarde tout le temps dans le miroir et tout ça. Mais ça, c'était-tu que il fallait qu'il sorte d'un jeu? Me semble que c'est ça. Hmm. C'est également un épisode de Robin Stella aussi. Là. Hein? Ils rentrent dans un jeu d'ordinateur, puis sont pris dedans, faut qu'ils trouvent comment sortir. C'est vieux, là. Ah ouais. J'ai envie d'avoir un flash dans ma tête de ma jeunesse. Ah, j'écoutais ça, moi, Robin Estelle, là. Ça, c'est bizarre. Ils ont tous perdu les tapes de ça, Robin Estelle, là. Pour vrai? Ah, il y a plus ça nulle part, bizarrement. Ah ouais. Ben, il y en a un peu sur YouTube. J'aimerais ça trouver une marionnette des Oups puis des Oupsies, s'il vous plaît. Si vous oui, absolument. Genre, on les mettrait sur la table ici, là. J'aimerais rentrer dans le cheval aussi. Oh, les mecs, le cheval bleu. Le gros cheval. Que tu rentres dedans, puis c'est immense comme un appartement, quasiment. Exact. Ben, que de l'extérieur, c'est gros comme un frigo, là, tu sais. Quand j'étais jeune, j'avais été voir un spectacle live de Robin Stella, puis j'ai fait comme. Chris Robin, c'est une fille. Ouais, c'est une fille. Ouais, mais oui, j'ai appris, mais là, quand j'étais jeune, là, j'ai fait comme. Ah, oh, ok. Je trouvais ça weird. C'était Robin. C'était Robin, ouais. Mais c'était spécial que ce soit une fille, pareil. Ouais. Mais il essayait pas que ça soit comme une fille, là. C'était non, vraiment. Non, c'était un gars. Robin, là. C'était Robin, puis c'était un gars. C'était Robin. Mais c'était une fille. Ah, on dit qu'il y a la série complète sur YouTube. Crime. Me couchais pas à soir. Tu sais quoi faire. Écoutez, Rock, la blessure, Francœur, puis l'oncle Darius. Let's go! L'oncle Darius, j'avais oublié ce nom-là. Mais un jeu qu'il faut finir pour sortir, Power Wash Simulator. Oui, hein, des jeux de main. Moi, je prendrais pas de quoi de dur, là. Un jeu de blackjack, là. Double dragon, c'est comme tabarnak. Ah ouais, tu punches du monde en face. Le monde qui répond, genre, contre, êtes-vous débile? Genre, vous allez faire tuer direct en partant. Exact. Overcook, là. Overcook, ouais. Ou ben Mario Baby, pour. Poznick. Être pris dans des cubes. Quelque chose de main. Jean-Michel Racine, qui gagnerait un combat à mort entre Yokozuna ou Earthquake? Un combat à mort. Wow, ok, un petit peu. J'ai vu un fun fact que je savais pas, là. Hugolin Chevrette est le gars de France Chevrette qui jouait Robin, qui est décédé d'ailleurs, là. Ah ouais, France Chevrette dont Robin est décédé. Ouais. Puis peux-tu me dire qui est Hugolin Chevrette? Yes, ouais, je sais pas. C'est un comédien? Ouais, il a fait beaucoup de doublage, en fait, là. Il faisait le fils à Guylaine Tremblay dans, genre, Histoire de filles, là. J'ai un référent très lointain, là. Hmm. Mais ils vont probablement nous dire dans quoi Hugolin Chevrette a joué. Il joue dans plein d'affaires, mais je pense qu'il fait surtout des voix. Ok. Bon, ben, coudonc, une belle legacy. Un gars avec des gros bras. Une belle legacy, quand même. Bon, excusez, je voulais pas faire un sidetrack sur Robin Stella. Je pensais pas qu'il y avait un intérêt de même. Là. Ah ouais, le monde sont partis là-dessus dans le chat. On va faire un. Juste Simon, la tête dans les nuages. Simon, les nuages. Je ferai un podcast sur le site où je vais tout écouter en play-by-play, toutes les Robin Stella. Puis je commenterai. Tu demanderas à. Joe Brochu, tu feras ça live avec lui. Chris, oui. Il va tout écouter ça. Là. Oui. Moi, il a sûrement tout ça sur son plex. En fait, c'est peut-être lui qui a les copies originales. Je serais pas surpris. Faut que je t'appelle Joe. Fait que qui gagnerait? Yokozuna ou Earthquake? Des questions de... Earthquake. Oui. Dans un combat de rue, mettons, là. Earthquake. Ouais. Parce que Yokozuna, c'était pour la parure. C'est là, un Samoan, d'un. C'est même pas un vrai... Non, c'est pas un japonais. C'est un Hawaïen. Ouais. Puis Earthquake, il y avait un record de sumo, je pense. Oui. 24-0 en un an quand il est allé au Japon, là. Exact. C'est fou, là. Earthquake a fait du vrai sumo, là. Des vrais coups. Puis il y a un vrai lutteur sumo au vrai Japon, là. Je suis sûr qu'il te sacrerait de voler à Yokozuna. Oui, Yokozuna tombe sur le dos puis il se relève pas, là. Fait... Exactement. C'est... Ah non. Puis moi, j'ai écouté des podcasts de Something to Wrestle, tu sais, puis il y avait un épisode sur Yokozuna. J'adore quand ils font des épisodes sur un team ou un lutteur pendant 2 heures, tu sais. Puis le Undertaker, un moment donné, il y avait un party chez le Undertaker, tu sais, puis des... Ah ben, on a déjà parlé à Rétro Nouveau, là, je pense. Yokozuna, il avait demandé à ce qu'il y ait des chicken ass ou des chicken butthole, là, je sais pas quoi. C'est comme une partie... C'est comme des trous de cul de poule, là, puis d'animaux, puis c'est super gras, là, je sais pas quoi, là, puis il dipait ça dans mayonnaise, puis l'Undertaker dit, écoute... Moi, j'en ai trouvé, puis je me suis arrangé pour que Yoko y en aille pour venir. Des anus de poule à mayonnaise. C'était une affaire de même, c'était fourette. Fait que Yoko, à un moment donné, il a perdu le compteur, il est rendu même trop gros à la fin. Ah, c'est là. Fou, là. Tu sais, c'était trop, là. Fait que non, c'est pas un athlète, là. C'est juste un freak show. Non, en fait, Earthquake, c'est plus un athlète. Même si c'était quand même assez gros, là. C'est un gros lutteur, Earthquake, ouais. Là. Mais c'est totalement un athlète. Avec une feuille de route très respectable. De vraies compétitions, de vrais shit. Là. C'est un lutteur, mais c'est un gars qui pouvait se battre dans la rue. C'est vrai, moi. Là. Exact. Charles Trudeau, est-ce que tu crois que les jeux Xbox 360 vont prendre de la valeur avec les années? C'est une question intéressante parce que présentement, des jeux de 360, on en vend à la tonne. Ouais. Plein. Faut pas penser. Les temps ont changé. On vend pas des jeux NES en boîte, là, jamais. Puis on vend des jeux d'Xbox, ben c'est beaucoup moins cher aussi, puis le monde sont cassés là présentement. Ouais. Mais on en vend beaucoup, puis des jeux pas chers. Fait que présentement, le monde veut des jeux pas chers. Fait que là, il en achète, puis des Xbox 360, des consoles, on en vend toutes les semaines plein. Ah ouais, on n'arrive pas à les tenir. Ça vend à côté. Fait que qui aurait cru? Moi, à une certaine époque, j'étais comme, voyons, les boutiques de jeux vidéo qui... Pourquoi c'est qu'ils achètent des jeux à disque? Pour moi, ça, c'était de la vraie marde. Là, ouais, ouais. Ben, non, là, c'est le pain et le beurre. Là, ah, on ouais. en vend à côté. On en rachète pas cher. On en vend pas cher. Ça roule tout le temps. J'ai une grosse collection d'Xbox 360 que j'avais racheté de ma Jeff Mallette, justement. Là. Ah ouais? Je l'avais vendu genre 100$ sa collection. J'ai le jeu de Lost dedans, si tu veux. Ça vaut peut-être 130. Probablement, si chanceux, là. Mais ça veut pas dire qu'on en vend beaucoup que les jeux prennent la valeur, par contre. Là. Moi, je pense que oui, certains jeux ont pris beaucoup de valeur parce qu'il y a des raretés sur cette console-là, comme plusieurs autres consoles. Mais tu sais, le commun, là, c'est... Tu sais, mettons Mario 3, le monde aime Mario, ouais, ça prend de la valeur. Ouais, ben ça, c'est nostalgique. Mais aussi, Fable, là, ben Halo 2, ben Halo... Halo, c'est quoi sur 360, c'est lequel? Le premier. Ah non, c'est... Ouais. C'est Reach. Je sais pas quoi. Tu sais, comme... Ça va jamais prendre la valeur. Assassin's Creed, ça prendra jamais de valeur. Tout mais ça, y a-tu comme une ligne assez précise que tu vois que ça, c'est du vrai rétro, mais à un moment donné, ça, c'est comme une zone grise que... Les jeux valent pas cher, le monde n'achète un peu. Genre Xbox original, mettons, là. Tes Fusion Frenzy, ils partent en fou, là, mettons? Hein? Ben, en fou, non, mais ils partent. Ils partent, ouais. Ça roule. Là. Toutes ces affaires-là roulent. Là. Okay. Les affaires qu'on n'arrive pas à passer au travers parce qu'on en stack ben trop, c'est les jeux de sport, les NHL, ouais. Les affaires-là. Les Uncharted, ça, au PS3, man, c'est pas une joke, là. C'est fou. Au Xbox, des Kinect Adventure, man. Si qu'on en a, là. Sur Wii, des Wii Fit, des Wii Fit Plus. Tu sais, on passera jamais à travers tout c'est ça. Le là. Décor, là. Un mur d'Uncharted. Là. Ah, juste pourrait. Des pochettes d'Uncharted ici. Là. Ah ouais, mais si on va l'autre bord, là, man, il y a des stacks et des stacks de jeux pareils, là, c'est très drôle. PT Hunter Twitch, first time à chatter, il dit en ce moment, le jeu El Cart Chivo, je pense, a monté de valeur. Ça, je connais pas ça. C'est un jeu de 360, puis okay. Oui, il y a des affaires de même. Call of Cthulhu. Je l'oublie. Bullet Witch. Affaires, tu sais, comme. Il y en a une petite poignée. Ouais, une vingtaine de jeux là, qui passent à 60, 100, tu sais. Mais il n'y a pas de jeu où. Ben, faut dire, j'ai jamais exploré. Ça, je devrais checker. On va tomber là-dedans bientôt. Là. Je vais prendre. Faites ça si vous voulez voir. Allez dans Price Charting, choisissez une console, puis mettez les jeux par ordre décroissant de valeur. Parce que là, PS1 puis Xbox original, on n'a jamais couvert ou à peu près des jeux de cette époque-là. Là. Mm-hmm. Très rare. Puis il doit y avoir quand même des bons jeux là-dedans qu'on se doit de regarder. Là. Ben, faut aimer les consoles de ces années-là. Faut aimer le polygonal beaucoup. Exact. Mais il y a du plaisir à avoir. Ben oui, c'est pas oui. Complètement dégueulasse non plus à regarder. PT Hunter Twitch dans le chat qui dit que après faire le full set, c'est le seul qui me manque pour le full. Wow. Donc je comprends que Elkart Chivo. C'est le seul jeu qui lui manque. Puis je vais aller voir la valeur, à moins qu'il soit capable de me le dire rapidement. Je vais. Ouais. Chevo, CHEVO, 360. Je tape ça dans Price Charting. Il dit 100. 100? C'est ce qu'il dit. Ah ouais, juste ça. Ah ben, Colin. Fait que c'est ce fameux cas de jeu pas rare. Ben, pas si cher, mais fucking pas trouvable. OK, ben ça, c'est très intéressant. Le alors, je te... Sans bien, c'est le disque, fait que pas complètement en boire. Ah, loose. OK. F1 2013 NTSC est très rare au Xbox 360, pareil. Ah, Call of Cthulhu, c'est sur le Xbox OG, je me suis trompé, c'est vrai, c'est pas 360. Sur Xbox original, Darest nous dit il y a un jeu de Nightmare Before Christmas qui vaut de quoi un peu. En effet, on l'a ici de temps en temps. Futurama. Ah, ça, c'est Xbox OG. Ouais. En tout cas, c'est un univers de plus en plus. Le Xbox original, ouais. Il y a le jeu de golf avec les deux gants et les cordes avec la... Faudrait que je t'amène ça à m'amener, là. Ah, t'as ça chez vous, hein? Mon père avait ça chez eux. Il y avait un Xbox, puis genre 3-4 jeux, puis il y avait donc ça dedans, là. Ah, ouais. Il faisait des swings avec ça, nous impressionner, là. Chris, je sais pas si ça vaut... Te rappelles-tu du nom? Faudrait que je regarde, j'allais chez nous, je regardais en arrivant, là, où je peux le chercher, là, mais... OK. Pendant qu'on en parle, là. Fait que, très intéressant à découvrir. Alex Morancy, lesquelles de tes entreprises sont les plus rentables? Retro MTL ou Arcade MTL? Une question... direct sur le point, mesdames et messieurs. C'est... vous savez, moi, j'ai pas des entreprises de type genre... qu'on peut se mettre multimillionnaire avec ça, hein, tu comprends? J'ai pas... je manufacture pas des produits, puis, tu sais... Game Track, ça s'appelle. Va, ah ouais? Price Chart, le don, voir après pour voir... OK, ben on va revenir c'est à l'affaire ça, en fait, que GF dit. Ça, c'est un jeu de golf. Ben en fait, ça a l'air d'être d'autres choses aussi. C'est le Game Track, ça s'appelle. OK, je le Game pas, Track pour original Xbox. Je sais pas si c'est d'autres choses que ça, là, mais ouais, t'avais un bâton. Ah, oh, c'est ça. Là. Ah, c'est ça. Real World Golf. OK. Avec un petit bâton. OK. On peut voir, là. Moi, je vais taper ça dans Price Chart. Real... Ah, quelqu'un vient de le dire en plus. Real World Golf. Real World Golf. Avec accessoires. Ah, il l'a eu au PlayStation 2. Ah. Aussi. Xbox. Pour un gros, gros kit complet en boîte. 12, la grosse boîte. $12. 12 piastres. Crime, moi, tu sais, qu'est-ce qu'on a évident aujourd'hui? Ben non, regarde. Non, faut que je la garde pour faire une critique, pour que je l'essaye pour jouer. Exact. Fait que pour revenir à la question d'Alex Morancy sur laquelle de mes deux entreprises est la plus rentable, ça dépend. Tu sais, comme je disais, c'est pas. J'ai pas des entreprises à me mettre multimillionnaire comme les gens que vous voyez sur TikTok ou quoi que ce soit, là, tu sais. J'ai des entreprises de passion ben oui. avant tout. Que j'ai réussi avec mes partenaires et employés et tout le monde qui travaille avec moi à rentabiliser. T'sais. L'arcade a été toujours rentable au sens que moi, je ne travaille pas dans l'arcade et elle me donnait des revenus. Ouais, ouais. Mais c'était un revenu d'appoint. C'était des bons petits revenus là, par mois. Ça me donnait un beau boost. Et puis, c'était une époque aussi où est-ce que j'avais pas besoin de ces revenus-là. Fait que ça m'a permis de me gonfler un petit coussin, mes REER, mes affaires, puis m'accumuler de l'argent pour des projets. Ouais, ouais. Fait que ça a tout le temps été bon. Puis là, est arrivé la COVID, où est-ce que c'est tombé sur la glace. Fait que là, il s'est rien passé. On a perdu quand même pas mal d'argent pendant ce temps-là. L'année après la COVID, comme toutes les entreprises au Québec et probablement au monde, ça a été comme boom, un petit boom là. Le retour à la réalité fois mille, comme on a fait de l'argent là, à côté. Puis après ça, les deux autres années, ben là, on a racheté deux partners et puis ça a coupé tout notre argent parce qu'on n'a pas trouvé d'autres partners pour les remplacer non plus. On les a achetés avec la trésorerie, tu sais. Ouais, fait qu'on a complètement dilapidé l'argent qu'il y avait dans nos comptes ou à peu près. Tu sais, on a descendu très, très bas. Puis là, on remonte tranquillement. Et puis, le but de ça, c'est que là, maintenant, on est deux actionnaires au lieu de quatre. Alors, l'objectif, c'est que on puisse re-rentabiliser ça plus. Ouais. Mais en toute honnêteté, moi, ça fait 2 ans que j'ai aucun argent avec ce projet-là parce que l'argent a passé à acheter les actionnaires et puis c'est un petit peu plus serré et tout. Mais moi, je prédis que là, on achève de finir de payer le deuxième et puis ça va se finir en octobre. Alors déjà là, l'argent qu'on y donne, on pourrait bien se le mettre dans les poches. Fait que déjà là, ça va faire de l'argent. Mais c'est pas des tonnes d'argent, tu comprends? Mais je prédis que l'année prochaine, on va recommencer à faire de l'argent avec ça. Peut-être un peu autant. Peut-être qu'on va revenir au même niveau qu'avant pour moi et mon partner. Donc, on refait le même argent. Tu comprends que là, ça, vu qu'on est deux, tu sais, mettons, moi, j'avais un montant X par mois. Ouais, t'as splitté avec les autres. Au lieu que tout le monde aille ce même montant, un plus parce qu'il y avait plus de parts dans l'entreprise, ben là, pour avoir, moi, ce même montant-là, ça coûte moins cher. Ah, ouais, exactement. Parce qu'on est juste deux, tu sais. Fait que ça coûte la moitié moins cher. Fait qu'on va pouvoir se payer plus facilement. Fait que c'est ça. Donc, l'arcade est rentable au point, au sens que je travaille pas dedans, puis elle me ramène de l'argent quand ça roule. Mais là, ça roule, mais ça a été des temps plus durs. Fait que présentement, elle me rapporte rien, mais il faut que je travaille dedans. Mais elle a une valeur. Fait que si on ferme, elle a une valeur aussi. Fait que ça, c'est important. Retro MTL, c'est une bien plus grosse entreprise avec beaucoup plus gros chiffre d'affaires, beaucoup d'employés, beaucoup de dépenses. Beaucoup de. C'est une drôle d'entreprise aussi où est-ce que la matière première dépend des gens. Ouais. C'est pas genre, OK, on vend des gâteaux, il n'y a plus de gâteaux, on appelle la compagnie gâteaux. T'sais, ou de triangle en métal. c'est pas de même, ça marche. Fait que le stock, il rentre, on le process, il sort. T'sais, on n'a pas de contrôle 100% là-dessus, mais on a le contrôle sur les prix, puis le staff, puis ces affaires-là. Fait que c'est ça. Puis RetroMTL rapporte pas de profit superflu présentement, au sens que on a tous nos salaires ici, puis on est bien payé. Je suis bien payé, je me paye un bon salaire sans tuer la compagnie. Ouais, ouais. T'as pas fait un Tommy Talarico de toi-même. Exactement, puis on n'est pas cave, tu sais, mais on a quand même besoin d'un salaire pour vivre. C'est ta job. C'est ma job à temps plein. Puis tu sais, Chris, j'ai une maison, j'ai des enfants, puis tout ça, je peux pas vivre au salaire minimum à 44 ans, tu sais. Puis je suis pas en train de rire des gens qui ont un salaire minimum. Chez RetroMTL, il y a du monde qui sont très proches du salaire minimum, tu sais. Puis c'est normal, ils commencent dans la vie, puis tu sais, c'est ça la. C'est pas une carrière non plus. T'es pas un physicien, là, tu sais. Fait qu'il y a pas de trouble avec ça. J'ai commencé au salaire minimum en sortant de l'université. Puis j'ai épargné, j'ai fait mes affaires, puis là, j'ai 44. Fait que c'est pas anormal que j'aie un salaire convenable. Puis là, c'est pas un salaire au-dessus de 100 000 en passant, gang. C'est en dessous. 99,9. C'est ça. Fait que, tu sais, les propriétaires travaillant dans l'entreprise, on a un salaire convenable. Et puis, notre directrice a un salaire convenable aussi, qui pourrait être plus élevé si elle travaillait ailleurs qu'ici. Mais elle est heureuse ici, puis on est très heureux de l'avoir aussi. Fait qu'on a du plaisir. Puis ça aussi, ça a une belle valeur. Moi, je viens travailler dans mon entreprise avec un salaire convenable et je suis très heureux c'est ici. C'est cool, ça. Fait que je me fais pas chier par personne, tu sais. Puis je suis tout le temps dans le développement, puis mes idées, puis les idées de tout le monde. Fait que ça a une valeur, tu sais. On n'a pas d'excédent où est-ce qu'à la fin de l'année, on se vire chacun 50 000 parce que l'entreprise fait des grands profits, mais tous les profits possibles de l'entreprise sont réinjectés dans l'entreprise pour la faire grossir tout le temps. Puis présentement, on travaille sur de quoi de fucking excitant, puis je vais pas en parler parce que c'est un projet qui va se développer pendant très longtemps, mais man, c'est hot, et puis je vous garantis qu'il n'y a pas d'autres business de jeux vidéo qui mettent du cash dans une affaire de même, okay. c'est très, très hot. Fait que bref, c'est ça. Alors, la rentabilité, c'est dur à prédire. T'sais, présentement, RetroMTL est rentable. Ouais, les deux sont rentables dans le sens que tu n'as pas à injecter de l'argent pour empêcher que ça tombe. De la minute, ça irait pas bien. Je mets la clé dans la poche ça. Là, fait que là, l'arcade, elle me fait travailler un peu, mais pas tant que ça non plus. Elle me rapporte pas, mais elle me tue pas non plus au niveau du travail que je dois y mettre. Fait que je le tolère. Mais si c'est encore pendant un an ou deux à pas avoir d'argent, j'arrête. Fait que c'est des entreprises, comme Mike Leclerc a dit, elle est viable. C'est des entreprises viables. Puis qui me donnent du plaisir au quotidien. Simon Labrec, dans un épisode précédent, vous avez discuté avec Guiz de ce que vous préfériez entre Zelda top-down et Zelda 3D. Question de s'amuser un peu, je suis curieux de savoir quelle serait votre réaction si Nintendo annonçait un remake en 3D de Link to the Past, recette pour un désastre assuré ou possibilité d'en faire une recette gagnante? Moi, je dirais pas non, là. Mais moi, je suis pas sûr qu'il déchire ma chemise parce qu'il y a un remake d'une autre façon, d'une affaire qu'on a déjà aimée. L'original existe encore, fait autant pour les films que pour les séries télé, j'ai pas d'énergie à investir dans à me fâcher dans ça. Fait que, ben ouais, go. Link to the Past 3D, ah ouais, on y va. T'as bien raison. Moi je déchire pas ma chemise, mais j'arrache un bouton des fois. C'est correct, c'est de la passion aussi. Là. Parce que là, j'ai vu qu'il va y avoir un 2, Spaceballs 2. Ouais, avec Josh Gad qui va le faire. Ça va être la suite, je pense. Mais tu sais, quand c'est pas nécessaire. Là. Tu peux pas faire ça sans Rick Moranis, me semble. Tu peux pas toucher à ça. C'est un culte classique. Il y a eu longtemps des discussions qui vont refaire un nouveau Back to the Future. Voulez-vous pas toucher à Back to the Future, par contre, s'il vous plaît? Exact. Il y en a pas beaucoup que je vais me lever avec le flambeau, là, mais celui-là, là, il est parfait. Trilogie parfaite. Touchez pas à ça. Là. Ah, je suis d'accord. Tu sais, moi, j'ai. Fait que, tu sais, mais en jeu vidéo, moi, je m'en sac un peu. Je m'en sac plus qu'en film. Les films, c'est des. Puis, tu sais, je devrais considérer les jeux comme des grandes œuvres aussi, et c'est vrai. Mais, tu sais, comme ils vont. C'est parce que je pense que s'ils font un Zelda 3D, il va être bon. Tu sais, Nintendo vont pas chier. Maintenant, la oui. Il va être correct. Ils feront pas genre Link to the Past, Nintendo 64, genre tout crush comme Ocarina of Time, mettons. Là, ça, non, mais même. Présentement. Mais même s'ils le faisaient, ils trouveraient une façon que ça soit jouable et le vendable. Et c'est parce que Nintendo est une compagnie qui font de la qualité, tu sais. Mais moi, Slapshot 2, là. 30 ans plus tard, là. Ben, il y en a eu un Slapshot 2, là. Mais c'est ça que je dis. C'était épouvantable. Hein. Comme je sais pas combien d'années plus tard. Avec Stephen Baldwin. Avec genre. Du monde pas rapport. C'était un des Baldwin. C'était un des frères Baldwin moins connus. C'était un des Baldwin. C'était épouvantable. Rien que pour le cash-in. Hey man, ça là, c'est dégueulasse. Ça n'a pas de sens. Moi, ça me dérange pas que Nintendo fasse des remakes ou des ressorts. C'est beau, c'est bon, c'est de la nostalgie, c'est tout parfait. Ouais, ouais. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est quand PlayStation ont fait leur PlayStation All-Star Smash, Smash clone. Là. C'est dégueulasse, man. Tu sais, tu t'essayes. Mais j'ai pas déjà rimachemise non plus, j'ai juste ri de ça, tu sais. Mais j'ai... Il y a eu trois slapshots parce qu'on parle pas du troisième. Ouais, le troisième, man, j'ai... S'il vous plaît. Oh boy. Mais tu sais, genre, il y a HBO, là, je pense, qui vont faire une série télé d'Harry Potter sur les livres. Je suis comme, Chris, on vient juste d'avoir une série de 7 ou 8 films, voyons, là. Ben, juste. Même à ça, j'ai... Ça suffit. Ça suffit, mais faut-tu vraiment qu'ils rebootent ça tout de suite, là, Harry Potter, ou c'est... Ben, j'avais pas d'autres idées, là, des fois, là, que de reprendre... Puis c'est parce que, genre, du brand awareness, du nom qui existe, fait que les gens savent qu'est-ce que c'est, fait qu'ils vont embarquer dedans, tu sais. Ben, c'est ça. C'est la facilité, là. Puis, tu sais, moi, j'ai capoté... Il y a rien de créatif là-dedans, là, tu sais, la création a été faite déjà, là. Exact. Là, vous allez refaire la même affaire, là, fait que c'est... Mais moi, j'ai capoté sur Game of Thrones. Là. Ouais, ouais. Genre, sinon, ma meilleure série à vie. Puis là, c'est comme... House of Dragons... Oh, mais c'est pas la même histoire, c'est comme c'est dans les univers, mais au moins là, je sais que c'est sûrement bien fait puis tout, mais Chris, ça me tente pas, c'ti. Puis j'ai écouté The Ring of Power, je pense, ouais, de ouais. quoi là, ce qui est comme qui est Sauron puis tout ça, puis c'était comme plate. Mais tu sais, je l'ai écouté là, j'adore Lord of the Rings, j'ai lu les trois livres deux fois, ben quatre livres deux fois, puis j'ai pas lu les Silmarillion ou je sais pas quoi cette affaire là, je suis pas nerd à ce point là, mais je sais pas, man, toutes ces prequels là puis tout, c'est juste pour te garder dedans, alors que tu sais, trois films good enough, c'est terminé. Même le Hobbit, man, un film, pas trois, tu sais. C'est pour te garder dedans et faire l'argent avec toi. Puis que, tu sais, il a aimé ça, on va traire la vache jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien, là. Absolument, absolument. Carl le Duc, quand tu joues à un jeu d'Atari 2600, de quelle façon le fais-tu? Sur une console d'origine modifiée ou non, sortie vidéo ou sur émulateur? Et question complémentaire, quelle manette tu préfères utiliser à ce moment-là? Une bonne vieille CX-30 ou un joystick aftermarket plus récent? Moi, j'ai une Atari 7800 modée, modifiée pour qu'elle ait une sortie S-vidéo. Donc, un très beau signal que j'utilise sur une télé CRT de sur une télé CRT de très bonne qualité, absolument. Fait que c'est ça. J'ai même pas déballé ma Atari 2600+. Mais, fait que je joue de cette façon-là, old school. Mais la console Atari 2600+, est la meilleure façon, à mon avis, de jouer à l'Atari de nos jours, sur n'importe quelle TV. Puis pour ce qui est de la manette, j'adore les Wico. Est-ce capable de montrer ça à l'écran? W-I-C-O. Wico Atari Controller. Ça, c'est des manettes. Dans le fond, les contrôles Wico sont des contrôles d'arcade, tu sais. Puis ils ont manettisé ça. Et puis, ça a sorti ça. C'est un peu. Fait comme il faut ou c'est? On va screen. Voilà! Exact. Fait que le système Wico est un système d'arcade, puis ça a été mis dans une manette comme ça d'Atari, mais ça fait sûrement aussi pour le Commodore et le VIC-20 et toutes ces belles machines glorieuses. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Puis j'aime beaucoup le très gros stick là-dessus. Là. T'as une bonne prise en main. Là. J'aime bien ça. Il y a juste la base du stick qui est un peu large, qui fait que des fois, tu as de la misère à te le rentrer dans la main comme il faut. Là. Mais ça, c'est ma go-to là, à la base. Okay. J'ai essayé une Hyperkin, qui est comme une petite manette de NES, puis qui a même une roulette dessus pour faire le paddle. Je trouve que ça va pas bien. Mais c'est quand même agréable de jouer avec un D-pad, par contre. Ça, je dois le dire. Mais pour ça, c'est bon, puis le fil est très, très, très, très, très, très, très long. Mais sinon, manette classique, comme tu dis, c'est X30 ou cette Wico-là, c'est mes go-to. Simon Lahaye. Simon. Question très importante. Oui. Pour ou contre les bidets? Vos anus sont-ils propres? Pour. Ouais. Toi, t'en as... J'ai vu des affaires ces toilettes. Ouais, mais j'avais parlé il y a une couple d'épisodes que j'avais fait venir un plombier parce que j'avais cassé une valve là, dans la toilette, puis c'était parce que je posais ça, là. OK. On n'aurait jamais dû, dans l'évolution, arrêter de prendre des bidets. Oui, hein? Ça n'a pas de rapport de prendre ce papier cul et se torcher les fesses. Ça n'a pas de rapport, pour vrai. C'est comme essayer d'essuyer un marqueur avec un Scott Towel. Tu finiras jamais, là. Ça dépend des crottes. Ouais, ça serait un bon moment de ramener l'échelle. Là. L'échelle Bristol qui est ici. Ça dépend tu de l'as ici. Je l'ai dessus. On l'a tout le temps à portée de main. Exact. Fait que sur l'échelle Bristol ici, la charte du caca, je peux pas croire. Le type 1, tu sais, c'est sec, sec, sec. Fait que ça, il n'y a pas de marde, là, techniquement. Là, le deuxième, là, c'est sec aussi, mais un peu moins. Techniquement, il n'y a pas de marde non plus. Type 3, non plus. C'est quand ça entre 4 et 7, là, mettons. Là, exact, c'est... exact. 3, 4, là, 4, ça peut laisser, là, tu sais, là, après, 5, 6, là. Mais, tu sais, ce qui est le pire, 7, c'est comme juste de l'eau, tu sais, ça paraît pas. Mais, bien sûr... Ouais, mais ça détruit l'anus, par contre, là. Exact. Ça, un petit jet d'eau frette, là, ça vient de corriger un petit peu ton humeur, après. Ah, ben, c'est ça, hein. Moi, j'ai jamais vécu ça, là, tu sais. T'as rendu me le dire, j'aurais dit comment le faire, puis tu l'aurais été beurré à grandeur. Là. J'aurais dû me retenir pour aller chier chez vous, en fait. Mais pour vrai, puis mais les cacas qui sont plus compliqués puis qui beurrent le plus, c'est quand il en reste un peu. Ouais. La crotte tombe, mais il en reste un peu. Des fois, tu t'en rends pas compte. Poke, là. Puis là, faut que t'enlèves. Là, t'es comme ah, calice. Puis là, faut que t'enlèves ça. Puis là, c'est long. Là, fait que moi, je reste plus longtemps à sa toilette. Des fois, ça tombe, ce petit morceau. En checkant. Fait que là, je suis comme bon, voilà, je viens de m'éviter bien du temps d'essuyage. Fait que je suis sur TikTok à écouter du monde qui chiale. Mais je veux dire, tu tombes. Pas tombe dans le bidet, mais tu essaies le bidet, puis there's no turning back. Là, après ça, là, c'est fini. Là, tu veux juste ça. Là. J'en doute pas, man. J'en doute pas. Mais moi, je chie toujours juste avant d'aller dans la douche. Sinon, je chie jamais. Sauf problème, là. Tu sais, mais outre avant, le matin, c'est tout. Puis jamais que je chie, sinon. Fait que c'est comme, tu sais, je m'essuie, mais je vais dans la douche tout après. Apparemment, il faudrait faire 3 caca par jour pour être ensemble. C'est impossible, Asti. C'est beaucoup, là, 3, là, mais... Voyons, 3, je crois que c'est pas le temps. 1 à 2, pas le temps. Hey, faut que tu manges pas mal, là, pour expédier de la merde autant que ça, mais c'est... Gagator qui dit, je peux pas croire qu'on parle de torchage, on parle de tout, tu sais. Ah tout, non, ouais. Fucking tout. On parle de ça, là. Ouais. Retro Gamers fan, des chartes, non, quand là. Tu manges des pommes, la crotte est bien lisse. En ouais, effet, il faut que tu manges ça passe, parce les ça bananes. Les bananes aussi, paraît que ça aide. Et, Tony Biz qui dit que Biden est probablement sur un 6. C'est très drôle. C'est qui Tony Biz, donc? Je sais pas, mais Tortoc le barbare qui dit Tortoc se sent fraîche depuis qu'il a une fontaine magique sur son trône. Ouais, hein? Ah, écoute. Ça vous prend tout le monde. Un petit touchy à 70$ sur Amazon. Oui, tu peux installer ça sur la toilette. OK, ben je vais considérer. Celle à mon sol, t'as fait tout seul. Celle en haut, c'est parce que j'avais une tige de métal drette. Puis quand j'essaie de la changer, j'ai tout cassé le module. Là, fait que c'est ça. Ah ouais. T'étais là, c'est une vieille toilette qui datait de 30 ans. Là. Écoute, c'est très intéressant. Ouais, ouais. Fait que nos anus sont propres, Simon, pour répondre à la question officiellement. Ouais. Parce que moi, je vais dans la douche tout de suite après. Puis JF, ben il se rince ça à direct. À qui mieux. Ouais. Marc-André Nadeau, une question pour toi, JF. Qui va remporter la mallette WWE Money in the Bank? Pour les hommes, 2$ sur Drew McIntyre. Okay. Pour les femmes, Tiffany Stratton devrait gagner. Voilà. C'est quand, ça? C'est en fin de semaine, je pense. OK. Ouais. Mallette va être là, d'ailleurs. Jeff Mallette s'en va avec son fils voir Money in the Bank à Toronto. Ah oui, c'est vrai. Chanceux. Je vais écouter ça chez nous. Avec mon fils qui dort pas. Ça, moi, je connais moins. C'est-tu un gros événement, ça, Money in the Bank? C'est quand même dans les nouveaux gros événements. Là, ils vont prendre la mallette, puis t'as un an pour faire un cash-in, pour avoir un droit à avoir une shot au titre, dans le fond. Là. Comment tu fais pour cash-in ta mallette? Tu cours avec ta mallette, tu donnes ça à un arbitre, tu dis « Ah ouais, sonne la cloche! » Puis genre, le gars vient de se faire battre dans un match pendant 20 minutes, puis tu peux aller le piner et prendre sa ceinture, là, mettons. Là. Ah, c'est à ça que ça sert. Ça sert à la mallette. C'est une mallette. C'est une mallette qui donne le droit, n'importe quand, de cash-in. De voler le titre. Ben, pas de le voler, mais d'avoir un match de championnat, contre genre, n'importe quand, contre le champion, genre. Ah, c'est un concept intéressant, quand ça. Quand même, là. Fait que là, cette année, à WrestleMania, il y avait Drew McIntyre, justement, qui a battu Seth Rollins. Puis t'avais CM Punk qui le gossait. Il a été distrait. Le gars qui avait la mallette, qui était, j'ai un blanc, là, mais il est venu cash-in sur Drew. Fait son finish, Drew a été champion 5 minutes. Wow. Damien Priest, okay. En fait, champion actuel. Ouais, voilà. Très intéressant. Ben oui. Charles Porter. Porter. Quelle est votre plus belle trouvaille lors de chasse aux jeux vidéo? J'ai jamais vraiment rien trouvé d'exceptionnel, me semble, moi. Là. Ben, une fois, il y a à peu près 15 ans, t'as acheté la petite sirène. Ben oui! Au GameX. C'est vrai! Saint-Géron. En boîte, en plus. Là. Oui, en boîte de plastique. En boîte de plastique, c'est une boîte custom, là, ouais. La petite sirène NES, yes. Ah! Moi, je me souviens d'être allé au marché aux puces Equinox à Thetford, entre Thetford et Black Lake, alors que c'était peu connu. Puis je suis arrivé là, man, c'était comme une caverne d'Ali Baba. J'ai ramassé du stock, là, ça fait très longtemps. Comme plein de beaux jeux NES. Puis au Super NES, Ninja Warriors, que j'avais payé genre 20$ dans le temps. Puis aujourd'hui, ça vaut super cher, ça. Et c'est très bon, d'ailleurs. Des jeux Atari pas communs. Je me demande si j'avais pas un Micro Genius là-dedans. J'ai fait une publication de ça sur Facebook. Faudrait que taper genre Papa Cassette Equinox, puis je reverrai... Peux-tu faire un search de ça pendant que j'en parle? Sur Facebook ou? Ouais, t'es sûr. Je sais pas si je suis logué par contre. Ah ou sur, direct sur Google, Papa Cassette Equinox. Puis ça va peut-être te donner le lien. C'est E-Q-I-N-O-X. Ah, c'est ça, c'est ça? Ben là, ça c'est fermé. Ça c'est ton autre local. Equinox, archive. Ou rapport de chasse Equinox, mais ça c'est un vidéo. Là. Ou mais image, là. Peut-être ça va le sortir. T'es là, là, mais je... Ah non, c'est pas là. Okay. Ah non, OK. Fait que faut checker ça dans Facebook, ça va peut-être ressortir. Donc ça, c'était... J'avais pas payé ça cher, puis c'était du beau matos, là. Ça, c'était très beau. Une fois, j'ai trouvé un Conker Bad Fur Day dans une vente de garage dans Ruelle, en arrière, ben, dans la rue en arrière chez nous, à mon ancienne maison, payé 5$, revendu 120$ le lendemain. Quand même, beau petit profit. Là. C'est correct. T'sais, mais j'ai jamais fait de grandes trouvailles là, de si intenses que ça. Là. Mais ça, c'en est deux que je me souviens. Patrick Doyon, l'annonce du jeu Funko Fusion lors de la dernière Nintendo Direct incitera-t-elle RetroMTL à explorer l'univers infini des Funko Pop en magasin? As-tu écouté le dernier non, Nintendo j'ai, Direct? Non, j'ai vu des extraits de toutes sortes d'affaires, mais j'ai pas écouté. Je suis en train d'écouter le Upload VR Showcase, que j'ai pas fini non plus, bien des belles annonces VR, mais j'ai manqué ça cette année. Ah, oh, c'était le temps du... Le feu E3, là. Ouais. J'ai tout manqué conférence, mais j'ai rien vu. Moi, avec. Il y a un jeu de Funko qui sort, là. Ouais. Je me suis pas trop rendu compte des conférences non plus. J'ai manqué celle de Limited Run, tu sais. Fait que je l'ai écouté par après. C'était pas si hot. Ouais. Nintendo, j'ai vu, j'ai écouté ça. Fait que. Il y a comme un jeu. À la Skylanders, on dirait. Que. Mais en fait, non. C'est pas un jeu que je pense qui peut intégrer des vrais Funko que tu mettrais sur ta machine, puis là, whoop, ils s'en vont dans le jeu comme les Skylanders ou les Amiibo. Je pense que c'est juste un thème Funko. Ouais. On le voit-tu, là? On va le mettre à l'écran. Put the fun Oops. In Funko. Je pense que c'est juste un jeu d'aventure avec les Funko, tu sais. Sous toute réserve, là. Je me suis pas re-renseigné. Mais that's it. Puis, si c'est ça, on s'en sac tellement. Mais bon, s'il y avait fait aussi... Ah, c'est ça la beauté de la chose. Oh my God. C'est que dans le jeu, tu as accès à tous les Funko existants, I guess, puis il y en a des millions. Puis là, tu peux faire ce que tu veux avec. Là, quelque chose comme ça. Et puis, mais le vrai jouet, les vraies choses vont pas dans le jeu. Tu sais, il n'y a pas des... Peut-être plus tard, si c'est un... Tu peux pas, genre, scanner ta boîte de ton Funko puis l'avoir exact. Dans le jeu, là, mettons. Ouais. Je pensais que peut-être ça aurait été vers ça, surprendrait. Mais je pense pas que les Funko soient bâtis en conséquence, là. Exactement. Fait que moi, je me fous complètement des Funko. Puis non, chez RetroMTL, on va pas avoir des Funko puis explorer le monde des Funko. Je trouve que quand t'es rendu à t'embourber dans les Funko, c'est... Parce que le reste marche pas. C'est parce que le reste marche pas puis t'as plus d'idée de quoi faire, tu sais. Ça, c'est comme la chose facile. Puis en plus, ça doit être payant, là, j'imagine. Là. On vend ça 15$, ça doit être 5$ chaque ou quelque chose de même pour faire une bonne marge là-dessus. Mais je serais très curieux de voir c'est combien... Je vais checker. Ben on n'achèterait pas, mais je serais curieux de voir le cost de ça. Mais ça doit pas être élevé, puis on s'en sac, puis non, il n'y aura pas de ça ici. Lutteur, Jim Gendron, votre lutteur préféré des années 90 et ceux d'aujourd'hui? Aussi, bon, c'est dur ça. Hey. Shawn Michaels, années 90 peut-être. Owen Hart. Moi, j'aimais beaucoup Doink de Clown. Doink, ouais. Rien que pour ce qui était. Steve Austin, évidemment. Mankind, beaucoup. Ah, Mankind, j'adorais aussi, vraiment. Ben, Undertaker. Undertaker, Kane. Kane, j'ai pas tant vécu ça. Dans les plus vieux, moi, quand j'étais petit, le Ultimate Warrior, là, à côté, là, tu sais, c'était mon. Je capotais sur ce gars-là, bien sûr. On dit Luna Vachon dans le chat. Luna Vachon. Dans les modernes, moi, je suis pas la lutte. Chris Jericho dans le temps aussi de la WCW quand il a commencé. Là. Ouais. Ouais. Moderne, je vais dire, Sami Zayn, Kevin Owens, juste parce que c'est des amis à moi, mais sinon, il y en a beaucoup de bons présentement là, dans plusieurs fédérations. Là. Ouais. Hors WWE, je vais dire Kenny Omega, sinon, dans mes préférés. Il était longtemps au Japon, qui était là à la AEW, là. Il est blessé depuis un petit bout. Là. On dit Eddie Guerrero dans le chat, oui. Exact. Aimes-tu Cody... Cody Rhodes? Cody Rhodes. Je l'aime bien. Ouais. Il fait une bonne job. Il fait une bonne job, ouais. C'est beaucoup amélioré là, depuis son passage dans les Indies, puis qu'il est revenu. Là. J'aime son personnage, c'est cool. Là. Exact. Ouais, il fait un job. Mais moi, j'aimais beaucoup Goldust aussi. Ouais, ouais. Moi, j'aime les personnages weird. Là. C'est clair. J'adore ça. Goldust, je l'adorais, là, tu sais. Fait que c'était un beau bonhomme. David Hébert. Est-ce qu'Arcade MTL, une arcade, a déjà été endommagée par du liquide renversé par accident? Ah, certainement, mon ami, et à plusieurs reprises. Mais au moins, le liquide, tu sais, ça sèche, là. C'est ça l'avantage. Ce qui est étonnant, par contre, c'est que c'est collant ça pour le plan. Fait que ça colle les boutons, là, puis ça fait de la marde. Puis quand ça... Tu sais, il y a un plexiglas sur le dessus d'un control panel. Fait que quand ça rentre en dessous, entre l'illustration, tu sais, puis le plexi, ça, c'est de la merde en esti, là. Méthode Cobra qui dit dans le chat que ça soit Goldust ou Dustin, il apprécie Road, beaucoup ouais. Comme lutteur. Ouais. Moi aussi, et comme humain, je l'aime bien. Ouais, lui, il lutte en Dustin à AEW en ce moment, là. Ouais, exact. Il est rendu vieux, il est rendu proche à la soixantaine, d'après moi, là, lui-là. Ouais, exact. Il est cinquantaine facile, là. Gabriel Landry, êtes-vous pour 55, excuse. 55 ans, Dustin. Êtes-vous pour ou contre la nouvelle loi du 66% imposable sur le gain en capital des plus de 2 600 $? Hein? Je ne suis pas trop sûr de comprendre. 2 600? Donc, là, si tu fais un gain en capital de 250 000 $. OK. Excusez-moi. Tu serais imposé à 66%. Je n'ai pas au courant d'une loi par rapport à ça. Je pense juste que les riches devraient être plus imposés que les moins riches. C'est pas mal ça. Oui, c'est sûr. Mais, tu sais, moi, j'aime pas, par contre, la pensée facile que si c'est pas assez... Ils ont rien volé, ce monde-là. Non, non. Mais t'as plus à donner pour contribuer parce que tu fais plus nécessairement, tu sais. Fait que... Oui. Je te dis pas de genre, nous autres, mettons, on donne 10% d'impôts, puis les autres 80, ça n'a pas de sens, là, mettons, là. Ouais. Mais oui, là, je peux. En même temps. Ben, tu sais, est-ce qu'ils brisent plus les routes, vont plus chez le docteur, non. ou utilisent plus le système de santé que d'autres, tu sais? Ça dépend comment ils font leur argent. À ce moment-là, c'est plus les compagnies qui devraient être taxées plus, mettons, ou imposées plus. Ça se peut aussi. Là, exact. Moi, je le vois plus au niveau. C'est assez complexe comme question. Hein, là, des commerces. Ben là, c'est ça. Ben là, ils parlent-tu d'impôts parce que là, OK, mais c'est 250 000 là, dépendamment d'où est-ce que. Tu sais, demain matin, toi, tu te rends compte que tu as. T'as des pogs chez vous qui valent super cher et t'es vert pour 250 000 piastres. Ouais. Dans le chat, on dit que c'est plus compliqué qu'être riche pauvre. Si t'as un héritage, tu le donnes au gouvernement. La loi n'est pas pensée pour des exceptions. Ah, c'est-tu de ça qu'il parle? Ben, ça peut être ça aussi, j'imagine. Là. Fait que si tu reçois 250 000 piastres d'un héritage... Tu peux les héritages, je pense que c'est différent. Ouais, par contre, ça, sous toute réserve, là, mais je pense que c'est quand même différent. L'impôt est déjà payé là-dessus. Là, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est très, très québécois d'être contre le monde qui font de l'argent, puis c'était pas là que je m'en allais du tout. Là. Non, mais je te pointais pas non plus. Non, mais moi, je suis très pour faire de l'argent. Là. Le monde qui se met riche parce qu'ils ont travaillé fort, oui, ils ne doivent pas payer nécessairement plus que les autres. Parce que le pourcentage, par défaut, va être plus d'argent en bout de ligne, mais le pourcentage, à peu près équivalent à ton revenu. Là. Exact. Mais tu sais, mais ouais, c'est ça. McSween, on dit. j'ai commencé à écouter le podcast de Pierre-Yves McSween, le podcast McSween. Et puis, c'était intéressant. La loi, c'est pas sur le gain en capital sur la seconde propriété de plus de 250 000 que dit Sim Simard. La loi, c'est pas sur le gain en capital. On tombe dans les exceptions. Là. C'était deux propriétés, dont une de plus de 250 000, c'est beaucoup. Là. C'est un chalet, puis en tout cas. Comprends plus rien. C'est... Il y aura du tard, je sais pas. En tout cas, bref. Payé, c'est... Finissons les questions. Simon Moreau, méthode Cobra dans le chat. Quel jeu a fait vous a fait patience au point d'avoir un genre de sac près de vous? Patience, ouais. Oh. Il y a eu beaucoup, là. Oh. Je me rappelle d'avoir déjà lancé ma manette en jouant à Wave Race, là, au 64. Pourtant, l'eau est si calmante. Ben oui, mais genre, tu sais, quand tu essaies de battre les high scores pour avoir des affaires précises, puis t'es à une seconde près, là. Ouais. Tous ces jeux de high score, là, tous les Guitar Hero, d'être sur le bord de finir un esti de con impossible, puis tu te plantes à la fin, là. Ouais, les jeux très, très pointus, mettons Super Meat Boy, là, que tu crèves, là, comme à tabarnak, t'as peu, là, je l'ai, là, tu crèves. Oh, Steve, mon gars, non, petit enfant, tu crèves, là, ça devient comme un délire de réflexe, là, tu sais. T'es sur le bord, tu penses que tu vas l'avoir, puis tu te plantes dans la même place. Oh, ouais. Battletoads, Chris, oui. JP Gauthier, ton avis sur Bloodstained Classic 2, Dominic's Curse? Dominique, c'est-tu qu'un jeu c'est avec mon nom, je comprends pas. Bloodstained Classic 2, Dominic's Curse. C'est comme un mélange de Simon's Quest, Dracula's Curse. Je comprends rien. Je suis désolé, JP. On est trop fatigué. Je comprends rien. J'avais motivé mon message pourtant en vue. J'ai remarqué l'oubli. Ben non, mais je comprends. C'est drôle. On a compris ton message, Simon, méthode Cobra dans le chat. Des choses qui arrivent. Laurent, Gatineau est la plus belle ville du Québec et pourquoi? Ben écoute, j'ai pas eu le temps lors de ma dernière visite à Gatineau de l'explorer vraiment pour vrai, alors je peux vraiment rien dire. On est arrivé par Ottawa, on est allé plus à Ottawa, puis à Gatineau, on est juste allé dans une espèce de petit 10-30, je sais pas quoi, manger à cage au sport. Puis on a eu de l'excellent service, le monde de Gatineau. Puis il y avait des gars de la construction. Non, Joe. Attends, à côté de chez nous. Il parlait de maquillage. Ayman, il parlait gros, là, tu sais. Ouais, puis il disait bro à toutes les deux, bro. À toutes les deux affaires. Ben, il parlait de construction, c'est très drôle. Tony Biz dans le chat qui dit « Dom a déjà mentionné détester Tunic avec passion, mais jamais eu d'infos. » On en parle de temps en temps, mais pas avec passion, juste j'ai pas compris. Mais on n'en reviendra pas aujourd'hui là-dessus, parce que j'en parle beaucoup, puis il est tard. Mais écoute, je pense que c'est moi qui comprends pas ce jeu-là. Mais Gatineau, Jeff, t'es-tu déjà allé? Je pense pas, honnêtement. Jamais. Il me semble que non. Peut-être que oui, mais pas souvenir marquant de Gatineau. Là. Si vous êtes pas ton Québec, man. Ouais, pas, je m'en vais plus dans le nord. Je m'en vais vers Baie-Saint-Paul, Charlevoix, Tadoussac, ce coin-là. Dans les mouches noires. Ouais. Puis dans les baleines, puis dans les mouches noires. Exact. Il y a pas beaucoup de mouches noires à Gatineau, par contre. Non? Je crois. Mais je veux mentionner, par contre, que lorsqu'on est arrivé à... Attends, on a-tu fait... Je pense qu'on est arrivé par Gatineau. Ah non, c'est-tu, on est arrivé par Ottawa. Puis bref, on est arrivé, man, dans un quartier, bang, full d'itinérance. Okay. Il y avait du monde complètement pété. Ah ouais, okay. Il y en a un qui a tombé à terre à côté de nous autres. Le monde était gelé comme des billes. Okay. La police était là. C'était comme tout un gros spot full d'itinérants. Puis plus bas, il y avait un refuge. Ben, pas un refuge, là, mais une place pour les aider. Puis il y en avait plein à terre, là, en avant, partout. OK, bizarre. Puis quand je suis allé à Sherbrooke aussi, pas l'été passé, mais l'autre été d'avant, dans une friperie à côté, il y avait un centre aussi pour les itinérants. Partout où il y a des centres pour aider les toxicomanes et les itinérants, fait, il y en a à côté. Fait que, tu sais, j'ai pas tout visité le Québec au complet. Là. Je sais pas si à Québec, il y en a tant que ça. Mais des itinérants à cette heure, il y en a partout. Et puis, c'est pas juste un problème montréalais, comme c'est un problème de société. Il y en a de plus en plus. Il y en a dans toutes les villes. Il y en a à fucking Longueuil. Ouais, il y en a de temps en temps, ouais. Exact. Fait que je suis pas mal certain qu'il y en a peut-être deux, trois dans les villes plus en campagne ou plus probable. Loin. Fait que j'ai été très surpris et j'aurais aimé que le Québec voit ça, tous ces itinérants d'Ottawa, pour dire, ben Chris, il n'y a pas rien que Montréal, cette ville de trash, de marde. La clique du plateau, ça va. Mais après ça, c'est juste des itinérants sur le crack qui s'attaquent. Il y en a partout, guys. Anyway, la plus belle ville du Québec, c'est Québec, là, selon moi. Là. La plus belle ville? Ouais. Le château Frontenac sur le bord de l'eau. Ben, c'est propre, tout ça. Je trouve ça très beau. C'est très beau. C'est très bucolique. Oui, oui, absolument. C'est propre. Les routes sont bizarrement faites, ouais. Par contre. Là, ouais, ouais, ouais. C'est dur à se promener. Un bon vieux quadrillé, ça le fait. Là, c'est propre, ça. Exact. Mais il y en a qui dorment dans la banque proche de chez Méthode Cobra. Il y en a partout, man. Il y en a partout. Hey, dernière question de la soirée. Ouais. On va voir si ça va naître une grande. Félix Beaudoin Duval, est-ce que vous seriez intéressé de faire des épisodes annuels réunion rétro nouveau avec vos anciens partenaires? Bon, on a un peu parlé. Ben, ce ne serait pas d'inviter sur le show, ce serait de faire un rétro nouveau, dans le fond, qu'il demande. Là. Un annuel. Moi, si quelqu'un a de l'intérêt, je suis disponible pour faire de la technique. C'est pas mal ça. Là, ça. Ben, je ne ferais pas d'effort de demander de le faire. Là. Genre, on a voulu faire un épisode final, puis finalement, on ne l'a pas fait. Non, ben, l'épisode final. Ben, le monde y en a parlé, mais ça aurait été weird. Ouais, ça aurait été bizarre. Hein? Ça aurait pas fité, tu sais. C'était pas bon. C'était pas le bon mood, tu sais. Non, ça aurait pas marché, tu sais. Parce que, tu sais, ça s'est fait quand même un peu abruptement, tout ça. Comme je le répète encore, pas dans la chicane, mais tu sais, comme. Ah, oh, tirer la plug, c'est parce comme que c'était ça, là. Tirer la plug, c'est comme. OK, fine. Puis on. Voilà ce qui est arrivé. Puis c'est correct, c'est la vie. Puis il fallait que ça arrive. Puis ouais, ben, toute une durée, man, aussi. Ouais. On ne peut pas faire ça éternellement. Hein, fait que c'est... Non, non, mais tu sais, annuellement, de temps en temps, avec Nick Lachapelle aussi. On pourrait faire juste un gala. Ben, c'est ça, un genre de gala. Juste le gala. Tout le monde ensemble, là, pourquoi pas? Tu sais, ça pourrait très bien arriver. Je pense pas que. Bruno, je pense pas qu'il a envie de se remettre à podcaster ou à faire des affaires ou même à être régulier, disponible ou comme à être sur les médias sociaux puis à faire du contenu. Je pense qu'après, là, il est comme out de tout il ça. Il fait un petit peu sur Instagram encore. Puis que ça là, y fait du... Légèrement, mais très, je pense... Très léger, là. Je veux pas lui mettre des mots dans la bouche, mais je pense qu'il s'en sac, là. Ouais, ça, c'est, comme, c'est pour lui, là, aussi. Il est bien, là, de plus être là-dedans du tout. Fait que c'est ce que je sens de Bruno. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu et encore plus longtemps one-on-one demain. Ouais, fait ouais. Que, tu sais... Mais un épisode par année de même, un genre de get-together pour le fun. C'est possible. Je pense qu'il serait peut-être willing, tu sais. Fait que... Voilà. À voir. Jim dans le chat qui dit « C'est triste chez nous, il n'y a... chez nous, il n'y a qui ouvre le sac de gueule dans les vidanges, c'est très triste. Ah. » Ah, les vidanges. C'est plus des problèmes qu'on a. Dieu merci. Quoi que je veux... Oups, j'ai mal fait. On s'en va en finale. Un petit peu. Voyons aussi. Ça faisait très pire, ça. Voyons. C'est la conclusion. Je veux juste dire que on a eu des problèmes de vidange dernièrement où est-ce qu'on s'est fait voler notre bac de recyclage. D'accord. Ici, oui, on en a deux. Je les garde en dedans, les deux. Et puis là, crime, on a, ben, je les sors jamais les deux, sauf quand on a beaucoup de recyclage, mais c'est très rare. Fait que j'en sors un, et puis là, on se les fait voler. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qui... Calice. Mais je suis allé faire un tour de vélo ici, le long de Notre-Dame, sur la piste cyclable. Et puis là, bien sûr, le long de la piste cyclable, sur la rue Notre-Dame, il y a des campements d'itinérants partout. Wow, ouais. Parce que c'est comme du gazon, tu sais. C'est comme la nature sur le bord de l'autoroute. Fait qu'ils s'installent là, puis il y en avait plein qui avaient des bacs de recyclage. Ah ouais. Fait que je me dis, Chris, c'est peut-être les itinérants, ben, puis ils sûr, mettent le guenille là-dedans, tu sais. Ça se pourrait, là. Fait que ça, c'est probablement là. Pourquoi que ça... sinon tu volerais un bac de recyclage? Ben, c'est ça. Tu avais la ville en demandant un autre, là, tu sais. Ben, bah... la ville, man. Je les ai appelés pour avoir des roues, des infos, puis ben, ils m'ont jamais rappelé, ces Christ-là. Ah, moi, il était venu chez nous à cette heure pour changer une roue de hey, poubelle. C'est du beau service. Quand même. Wow, ils viennent changer les roues, aussi, comme mais un petit top. Catherine Fournier, yes sir. Yes, man. On l'aime, celle-là. Elle a un podcast, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. C'est la jeune, ça. C'est ouais. Votre jeune mairesse. Ouais, ouais. Elle a un podcast qui est intéressant. C'est Poney pour un petit pain. Je pense que ça cool. S'appelle comme ça. Puis elle reçoit des femmes au pouvoir et des femmes fortes et tout bon, ça. Ouais, parfait, ça. Caroline Néron, d'ailleurs, j'ai écouté cet épisode-là, donc c'était très intéressant. Bref, pour finir mon histoire de poubelle, fait que je suis allé en voler un, c'ti, un voisin qui mange de la marde. Yeah, Tony Biz qui dit « Mets un Apple AirTag dans ton bac, mets un petit genre de GPS tracker dedans, là. Fait que c'est si tu vas le trouver où? » Je pourrais me mettre à faire ça. Hein. Et puis, bref, j'en ai volé un, et puis là, j'ai mandaté une de nos employées ici à faire un job paint sur les bacs. Ah, ouais, genre, bien, avec des gros carrés mauves, rétro MTL. Ah, c'est là, pas là. Fou, ça. Fait qu'au moins, là, ils sont tagués comme ça. Ouais. Ils vont être retrouvables. Fait que c'est ça. C'est les nouvelles des poubelles. Nice. Alors, ça conclut. Merci à tous. Vous pouvez continuer de nous encourager ou devenir Patreon. Et ben oui. Devenir Patreon aussi. Donner un petit montant, comme vous voulez. Mm-hmm. Le Patreon de Papa Cassette est ouvert. Ça nous aide beaucoup. Et puis, à un moment donné, on va peser sur play et on va dépenser tout cet argent-là pour décor ou autre. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On va checker ça. Peut-être pas cet été. J'ai comme l'impression là, on va être un peu partout. Oh, là, on va des vacances. On n'a pas encore statué sur ce qu'on voulait comme look de toute façon là, pour le décor. Fait qu'on... Exact. Puis là, on travaille sur un épisode. Ben, on va commencer à pitcher des idées pour un épisode d'été. Oui. Fait qu'il va falloir le faire. On a même mis une date sur le calendrier pour un garden party. Comment ça va être fait, je sais pas. Probablement pas, si on le fait, ce sera pas en direct là, parce que la technique, je vais me gonner chez nous, ça va être tough là. Exact. Mais ouais, il y a quelque chose qui s'en vient là. Tu sais, tu parlais d'être peut-être off pour des vacances, ça pourrait être quelque chose qui va remplacer là. Oui, c'est vrai, on pourrait publier l'épisode on en parle, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec ça là, fait qu'on est sur des projets. Absolument. Fait que à venir, et puis voilà, donc Patreon. Et on remercie les commanditaires, les bières Lagerbrau, et puis on remercie le marché Bonichois Neveu de Laverlechère de nous avoir donné des Doritos. Oui. Il nous en reste. On n'en mange pas parce qu'on parle trop et on n'a pas le temps. Il n'y a pas assez de monde pour avoir un break pour manger. Ça va se manger pareil. On les mange à maison. On remercie d'avoir commencé la soirée du podcast, M. Neveu, d'ailleurs. Absolument. Alors, suivez tout ça sur tous les médias sociaux de Papa Cassette. Suivez JF dans ses aventures. Le twitch.tv/youngmedia, je commence à streamer du VR. Donc, venez me voir sacré en jouant à Compound en me faisant gonner par un hélicoptère de président. Absolument. Et abonnez-vous sur Discord au Hub, H-U-B. C'est pas mal là que ça se passe. Puis, il y a un Discord de Papa Cassette. Que je devrais rendre public en fait, mais tu sais, comme maintenant il y a comme une discussion Papa Cassette dans le hub, ouais. Fait que là il y a plus d'action là que dans le réel thread de Papa Cassette sur Discord. Je me rappelle pas si on poste le lien avec l'épisode vers le hub, mais on le fera si c'est pas le cas là déjà là. Oui, c'est possible. Mais tu sais, de toute façon, si vous pensez me voir beaucoup dans Discord, vous me verrez pas. T'es là très, très temps en temps. Là. Ah, vraiment, là. Tu sais, Fred est là. Toi, je l'ai pas là, mal. Vous parlez beaucoup, tu sais, mais moi je... c'est trop de notifications de plus. Ouais, dans moi, mes tout journées. Ça est barré. Ça par me contre, cause de l'anxiété. Je regarde pas, je suis pas notifié de rien, là, à moins que quelqu'un me parle direct, là, sinon. Ouais, c'est ça. Je virais fou, là. Ben, moi, c'est ça. Je regarde aller les notifs, là, parce que. C'est Messenger, moi, j'ai rien qui pop nulle part, jamais, là. Je veux pas voir les Messenger, je veux pas voir les Discord, je veux pas rien voir live, là, mais quand j'ai le temps. C'est prenant. Quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps. Bon, ben, merci beaucoup, tout le monde. Merci, Tony Biz. Merci, Mike. Merci à tous. Merci, Méthode Cobra, pour les triangles en métal. Yes! Et puis, on se revoit dans deux semaines. Bye, tout le monde! Ciao!